Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Podcastination, les intermittents du podcast. Alors, vous en aviez peut-être rêvé, en tout cas on peut vous dire qu'il est de retour, c'est le bimestriel, nouveau concept, le bimestriel sur 4 mois. Puisqu'on n'a pas eu La révolution. la révolution, exactement, on n'a pas eu l'occasion d'enregistrer le podcast. Pour les mois de mai et juin, donc on s'est dit, bah, autant faire mai, juin, juillet, août, qu'on fait un beau package de 4 mois. Autant dire qu'il s'en est passé des choses en 4 mois, puisque depuis le dernier bimestriel où on était sur les mois de mars-avril, ça ne nous rajeunit pas d'ailleurs, on a eu l'occasion de voir passer 3 saisons. On est passé du printemps à l'automne en passant par l'été, donc autant dire que là, il y a pas mal de lectures. En tout cas, des lectures intéressantes qu'on a sélectionnées quand même, on n'a pas tout mis non plus. Mais il y a quand même le choix pour lire des beaux mangas sur ces 4 derniers mois. Alors, vous avez dû entendre des gens rigoler derrière moi, Mais non. donc je ne suis pas tout seul. Heureusement. Donc, heureusement d'ailleurs. Sinon, il n'y aurait pas beaucoup de mangas de traiter. C'est ça. Le niveau de vanne est très haut ce soir. Hein. Bah dans 4 mois. Voilà, Quatre mois. on était tout contenu là, on attendait avec impatience cette émission. Donc alors, pour m'accompagner ce soir, il y a donc Kurita. Bonsoir Kurita. Bonsoir. Alors j'espère que tu as le temps de te reposer durant ces 4 mois pour donner le meilleur de toi-même ce soir. Je vais essayer, oui. Et bien évidemment, ce ne serait pas un véritable épisode de Podcastination si notre acolyte de toujours, Tuntun, n'était pas là. Bonsoir Tuntun. Salut. Et voilà, je pense que bah, toi pareil, j'espère que tu es fin prêt Ouais, tout à fait. pour présenter les sorties, on va dire, intéressantes qu'on a trouvées intéressantes chacun de nous trois pour les mois de mai, de juin, de juillet, d'août. Bon, on n'a pas classé par mois. Oh non, trop de travail. Ça aurait été trop long, et voilà, on s'est dit autant présenter tout ça. De toute façon, tous les tomes sont toujours aujourd'hui disponibles encore en librairie, que ce soit en librairie numérique ou en librairie physique. Donc on va commencer, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va pas perdre de temps, on va pas commencer tout d'abord par Bonne Nuit Poun Poun, le volume 7. Alors on va commencer, les 5 premiers mangas qui vont être présentés ce soir, ce sont des mangas qu'on a lus tous les trois. Comme ça chacun aura, alors ce sera peut-être le même avis, ce sera peut-être un avis plus tranché entre chacun, mais au moins ça va être très intéressant je pense, par rapport aux mangas qui vont être chroniqués. À partir de maintenant. Donc voilà, Bonne Nuit Poun Poun, tome 7. Donc on l'a lu tous les trois. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On va commencer. Alors peut-être celui qui l'a lu le plus fraîchement, je crois, si c'est pas de bêtises, Kurita. Ah non, je sais pas. Je suis pas sûr, Ah non, mais je crois qu'on parlait si, du si, vide. c'est Kurita. C'est Kurita, voilà. Ah peut-être, Mauvaise pêche pour toi. ouais. Alors, bonne nuit, Poum Attends, attends, attends que je le relise. Poum. C'est un peu ça en plus, tu Bon, vois. vas-y. Je me souviens même plus de ce qui se passe dedans, tu vois, donc ça commence bien. La couverture est verte. Voilà. Donc D'accord. déjà c'est pas mal. Sinon, Tonton, si tu as des souvenirs plus précis par rapport à ce tome 7. J'avoue que c'est pareil, c'est un peu lointain, tu vois, Quelle bande. c'est le fait de faire des bimestriels de 4 mois, c'est pas une très bonne chose au final. Il y a des ellipses qui se créent toutes seules. Non, voilà, il y a donc Poun Poun fait On peut comment dire, dire Poun Poun s'émancipe. Poun Poun s'émancipe puisqu'il prend un appartement. On va pas trop spoiler non plus parce Parce que bon, qu'après la voilà. fin, alors on peut dire après la fin coup de poing dans le plexus du tome 6. Ouais, plus que dans le plexus là. Oui. C'est chaos total. On repart en fait sur le tome 7 avec voilà, comme tu disais, un Poun Poun justement, qui s'émancipe, qui va trouver son appartement, qui va commencer à travailler. Mais forcément, il y a toujours son esprit, cette petite voix intérieure qui lui parle, qui lui dit s'il l'a fait, si c'est une bonne chose, si c'est une mauvaise chose, parce qu'on sent quand même que c'est un adolescent et même un adulte maintenant, qui est quand même très perturbé, qui se pose beaucoup de questions. Et son, Sa pensée est toujours aussi torturée sur ce tome 7, hein, même si voilà, il essaie d'avancer dans la vie, ne serait-ce que par rapport à sa famille, ses parents, son oncle, Son oncle, ouais, surtout. qui est très présent, sa tante, on peut dire sa tante, sa, aussi, Ouais, sa la copine belle-tante, de son la oncle. copine de son, voilà, Voilà, c'est plus plus juste, ça. hein, qui est également présente sur ce tome 7, c'est quand même. Un tome, je pense, de transition entre ce qu'on a vu dans le 6 et ce qu'on Mais voit dans le 8. en fait, ça fait un peu, ouais, ça fait fin d'arc, début d'un nouvel Ouais, arc, c'est un peu ça, avec notamment vers la fin une transformation physique, on va dire, Oui, tout à qui est fait. assez étonnante Change de forme. et voilà, il change de Littéralement, forme. de change de forme. Il prend des arêtes, on va dire. Voilà. Et c'est des, enfin, c'est aussi ça la force de Poun Poun, c'est qu'il y a des trouvailles graphiques qui servent à exprimer certaines choses, certains événements en fait qui se passent dans la vie de Poun Poun. Même ses sentiments, en fait, hein. La façon dont il. Oui, c'est voilà, de toute façon c'est très métaphorique, c'est voilà, ça passe par il y a les paroles et puis il y a aussi l'aspect graphique. Qui joue pleinement dans la lecture du tome. Et voilà, et c'est comme d'habitude, de toute façon, maintenant, c'est acquis. Poun Poun, c'est une très grande série, et Ouais, ce c'est une volume descente aux 7, enfers. ouais. Et pas que. Il n'y Oui, a mais pas bon. que, puisque bon, c'est des aléas, on va dire. Même si c'est vrai que sa Plus il vie avance, plus c'est un peu. est pas spécialement évidente. Mais voilà, ouais, c'est vraiment une très très grande série. C'est dans ce tome-là, je te coupe tout, c'est dans ce tome-là où il y a pas l'espèce de secte qui Si, si, apparaît pour la on première voit fois. enfin. Si. C'est vers le début même d'ailleurs. Oui, c'est au début, le tome 7 commence, le premier chapitre du tome 7 commence par ça, où là, tu vois, tu te dis, mais l'inventivité, en tout cas, tu te demandes où est-ce qu'il veut nous amener avec ce groupe-là, quoi. Même si tu peux faire des connexions avec ce qui se passe dans le premier tome, ça on le verra après, peut-être plus Ça reste assez flou quand dans le même, hein, tome je 8, trouve. voilà. Mais après, c'est chacun, voilà, peut s'imaginer comment peut être la suite de l'histoire. Mais c'est clair que là-dessus, on sait, de toute façon, on est habitué maintenant avec le tome 7, il arrive toujours à partir dans des directions assez étranges, avec des réactions aussi des gens qui sont toujours assez toujours étranges, qui peuvent être euphoriques, tristes. Sans d'une case à l'autre vraiment changer du tout au tout en termes d'humeur, c'est ça aussi qui fait la force du manga, je trouve, dans sa façon de garder, on va dire, de garder une trame de l'histoire et après de partir dans tous les sens sur quelques pages, sur un ou deux chapitres. Mais voilà, je pense vous avez d'autres choses à dire sur le tome 7 de Bonny Poon Poon? Non, pas spécialement. En tout cas, une série qu'on peut cardemment conseiller Oui. à tous les lecteurs, parce que c'est vrai qu'on, je pense qu'on en parle à chaque fois, C'est vrai en plus. à chaque bimestriel, Bah, à mais chaque fois, il y a un podcast. nouveau tome, donc Ouais. voilà. Il y a un tome tous les 2 mois, je pense, à peu près. Et à chaque fois, on Trois. adore, donc. Trois, d'accord, voilà. Et pour le coup, c'est une série qui. Alors, j'ai pas de chiffres ou quoi que ce soit, mais on sait qu'au début, elle a pas, comment dire, c'était un vrai pari de la part de Kana. Et c'est vraiment important de la pousser, parce qu'en plus, la couverture, c'est pas la couverture qui va vous vendre le manga, ça c'est clair et net. Ben justement, moi je trouve que ça attire l'œil, hein, à chaque Ça fois. attire l'œil, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Ouais, Oui, c'est parce que vrai. t'attends, je pense, d'une couverture, t'attends d'avoir de l'information sur ce que tu peux espérer lire dedans, tu vois. Non, Ouais, c'est vrai. enfin oui, mais c'est voilà, c'est des couvertures qui sont très très colorées, très minimalistes, Ouais. Là, et du voilà. coup on s'attend peut-être plus à quelque chose de, enfin, on D'enfantin? s'attoue à tout Ouais, sauf c'est à ça, ça. quoi. Un peu enfantin, ouais, c'est Ouais. vrai. T'as la couleur, t'as le fait que ce soit aussi une couverture en volume Ouais. qui peut jouer. Mais après, c'est Même clair. le nom, quoi. Bonne nuit, Poum Poum, ça fait un Oui, peu ça fait mignon. un peu. Ça fait bonne nuit les petits Et au final, t'ouvres le truc et ah, non. Même si au début, c'est pas Bon, au spécialement début, ça va. dramatique, hein, Mais non, là. exactement. Ça change un peu au fil Au des début, tomes. ça fait même penser à limite à une fable, tu vois. Ouais. Vous voyez, pardon, ouais, un petit peu, ouais. Mais après, voilà, après, quand, de toute façon, on prévient les futurs lecteurs, on espère, de Bonu Poun Poun, c'est faut pas non plus s'attendre à un conte de fées. Ah oui, clairement. Non, non, non. Surtout pas, quoi. C'est très... Ouais. C'est... oui, vas-y, vas-y. Non, je disais, je voulais dire, on est plus proche de Rémi sans famille, si on peut parler des références, que de choses, on va dire, plus gaies et plus enfantines. Ouais. Je sais pas si l'exemple est bon, mais... chacun se fera son opinion. Je pense que Poum Poum, c'est pire que Rémi sans famille, quand même. Ah ouais, c'est pas la... c'est... Et en même temps, enfin, c'est assez... enfin, c'est réaliste dans le sens où... où chacun trouvera quelque chose, enfin un truc auquel s'identifier dans Poun Poun. C'est vrai. Et c'est des choses très dures et enfin voilà, Poun Poun, il lui arrive tout ce qui arrive à tout le monde, mais enfin il lui arrive tout à lui quoi. Ouais, c'est assez. C'est Calimero en fait. C'est voilà, ça. Et en plus il a une tête, voilà, il a un bec, c'est limite un oiseau quoi. Donc, voilà. La comparaison mais est c'est juste. Vrai que, et je pense qu'on en reparlera dans d'autres bimestriels plus tard, parce que avec Romain on a commencé à se plonger dedans, mais dans la bibliothèque de Inyo Asano, donc l'auteur, c'est quand même quelque chose de récurrent avec Solanine ou avec le Quartier des Lumières par exemple, où c'est quand même très comment dire, les malheurs de la vie et mais avec un traitement très réaliste et voilà, c'est presque sociétal quoi, et c'est vraiment puissant, et en plus graphiquement c'est magnifique, donc ah oui, bah, tu retrouves, tu parles de sociétal, tu retrouves le côté bah, notamment des NEET au Japon où c'est ces travailleurs qui ne non, qui ne travaillent pas justement pardon, excuse-moi. Donc oui, non, je confonds avec le concept de ceux qui ne veulent pas forcément, bah, qui changent de travail très souvent. Et, les friteurs. Voilà, les friteurs, merci. Donc qu'on peut retrouver... Ah, je suis un weeaboo, hein, donc... Ah, qu'on peut retrouver dans Bonu Poun Poun, et donc notamment Poun Poun et un friteur. Ouais. Et ça se voit très, très clairement sur... Spoil. Voilà, on en a un peu parlé en plus au début, on a dit qu'il cherchait du travail, qu'il avait son propre logement, ouais. Donc c'est un d'ailleurs, spoil. D'ailleurs, son émancipation amène de nouveaux personnages que j'aime beaucoup, notamment le proprio oui, tout à fait. De son appartement. Qui a une tête de bite. Exactement, une tête de gland, ouais, tout à fait. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et puis après, les gens ils vont lire ça, ils vont voir que ça, tu vois. Ils vont voir que ça. Bah très bien, je pense que bah, Bonu Poun Poun fait partie des top choix. Ouais, c'est validé. C'est totalement validé. Et même, je pense qu'on peut parler du manga d'après qui, à mon sens, est totalement validé aussi, c'est Sketsense. Ah bah oui. Sous-titré en français Le Club des Anges Gardiens. Ça fait très Club Dorothée. Hein. C'est ça, tout à fait. Donc, alors, du coup, là, on a 4 mois, on a 3 tomes. Tomes 3, 4, 5. Qui sont très très bons, qui vont dans des directions qu'on n'attendait pas forcément, je pense notamment le tome 5. Hein. Voilà, la fin du tome 5 qui est... Oh là là. Là c'est pareil que la fin du tome 6 de Bonu Poun Poun, quoi. C'est surtout qu'on ne s'attend pas à ça dans le sens où on est sur un manga humoristique. Ouais. Et donc je vous laisse en parler un petit peu, Kurita par exemple. Déjà des tomes 3 et 4 peut-être. Voilà, tout à fait, absolument. Que tome 3 et 4 en majorité ça couvre le festival de jeux qui oppose le skate à comment ça s'appelle, le conseil des étudiants. Voilà. Franchement, moi j'ai adoré cet arc. Ah, c'est surtout la fin du tome 3 et la totalité du tome 4. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Que deux tomes vraiment marrants, oui. Qui mettent bien en lumière la rivalité des deux clans, si on peut dire. Exactement. Voilà, Toon. Non, bah ouais, c'est... Sketsense, moi, c'est un des très très gros coups de cœur de ces dernières années. Je retrouve vraiment l'esprit de Gintama dedans. Et, oui. Bah, juste titre. Des fois, bah, t'as un dessin qui est proche, en plus, hein. En fait, il a été assistant pour l'auteur de Gintama. Ça s'explique, cela. Ouais. Et en fait, c'est même parfois mieux, je trouve. Parce que peut-être moins, comment dire, Extravagant. moins bordélique. Non, parce que extravagant, ils sont tous les deux très très fortement, mais et je le trouve plus, comment dire, plus simple, plus abordable, Skate Vance. Bah, Gintama de base c'est pas réaliste donc Oui, voilà. ils se permettent d'en Oui, mettre encore plus à chaque fois. c'est voilà, c'est chronique, c'est, enfin, il y a plein, c'est l'univers de base Oui, qui permet permet des plus de trucs. choses, voilà. Mais voilà, dans Skate Dance, il se permet aussi beaucoup beaucoup de choses. Ouais. Mais ça reste, Ça reste crédible. je trouve c'est beaucoup plus simple à aborder Oui, ça que va. Gintama. Et c'est beaucoup moins verbeux. Enfin, ça parle beaucoup moins, même si ça parle quand même beaucoup. Il y a beaucoup d'explications et tout, mais je trouve Ouais. ça un peu plus fluide C'est à vrai que la lecture. Gintama, souvent, t'as des pavés Ouais, un peu ouais, ouais. indigestes. Enfin, ça reste bon, C'est, mais. c'est reste, ça reste super drôle. Moi, Mais faut les avaler, je me hein. fends la gueule, mais c'est vraiment. Skate Dance, bah ouais, c'est un très très gros coup de cœur. Et là, comme tu disais, la partie du festival, qui est le premier vraiment gros arc, Ouais. qui, donc ça se déroule sur plusieurs chapitres. Ouais, une dizaine de chapitres. Voilà, et c'est, enfin, il arrive toujours à nous surprendre. Ah Le oui. fait au début de au début du enfin quand ils s'apprêtent à commencer le festival, Ouais. où ils font l'ordre de passage pour les différentes épreuves, et que tu te dis oui, bah c'est logique comme ça, et puis il arrive, tu sais pas comment, enfin, il arrive à te surprendre et à changer totalement l'ordre et à rendre les épreuves complètement folles, et l'issue où tu sais absolument pas comment ça peut se terminer. Et c'est, voilà, il est tout le temps en train de nous surprendre, et c'est vraiment super drôle. Il y a plein plein de bonnes idées dans tous les sens. Les personnages sont très attachants, et l'auteur est très attachant aussi, parce que Avec ses commentaires à chaque fois. je trouve que ses commentaires en fin de chapitre sont vraiment très bons, et Ouais, ça nous aide, instructif. voilà, Ouais. ça nous aide à enfin, ça nous met dans l'empathie avec lui, quoi, À carrément. comprendre pourquoi est-ce qu'il a voulu faire ça à ce moment-là. Il explique vraiment ça, quoi. Très très bien. Ouais, et c'est un des seuls, même le seul, à faire ça, je trouve. Oui. Et je trouve ça vraiment bien. Oui, tout à fait, ouais. Parce que oui, comme ça, ben, c'est vrai qu'on ça nous permet de comprendre de mieux comprendre sa réflexion sur certains chapitres. Pourquoi est-ce qu'il a voulu faire ça au lieu de ben, faire telle situation au lieu d'une autre, c'est quand même très intéressant. Alors, mention spéciale quand même sur le tome 3, au chapitre au sport incompréhensible qui s'appelle le Genesis, hein, qui est juste, je pense, une torture. Même pour, je sais pas comment est-ce qu'il a créé ces règles-là, mais c'est juste une torture. Je crois qu'il a créé avec son éditeur, je suis pas sûr, mais je crois qu'il avait dit ça. Je pense que c'est le sport le plus compliqué, le plus incompréhensible possible, quoi. C'est Ouais. Ah comme la dernière épreuve oui. Avec le jeu du de cartes, là. Ah festival oui, c'est avec ça, le le jeu jeu de de cartes. cartes, Ouais, j'ai confondu, ouais, qui c'est. est, enfin, les deux, de toute façon, il l'explique très bien. Ouais. Essayez pas d'y jouer, ça sert à rien. Ouais, c'est ça en plus. Ne vous fatiguez pas. Allez. Mais c'est super drôle, quoi. Il a des idées géniales. Pareil, il comment dire, il reprend l'univers de, comme ils disent, d'un célèbre ninja. Donc c'est le premier chapitre du tome 3, et en fait ça se passe dans le royaume de Quinoa. Pour vous dire, franchement, ne serait-ce que le premier chapitre du tome 3 met tout de suite dans l'ambiance avec tous ces personnages qui reviennent. Ça mélange des influences de partout, ça mélange donc du Naruto, du ring, ben, du shoujo Ouais. forcément. C'est du très. Comment c'était cette série? C'était Lara, la passion du théâtre. Où t'as un peu ce côté-là, c'est vieux shoujo classique des années 70, sur certains regards, donc c'est assez fort. Et voilà, je trouve ça très très très intéressant. J'avais pris les deux premiers tomes du manga parce qu'on se souvient à l'époque, il y avait une version spéciale. Le tome était à 4 euros, donc 8 euros pour deux tomes, ce qui était rien du tout. Et franchement, Et j'arrêtais pas d'en parler, donc tout à fait, il ouais, tout à fallait le fait. lire. Et ça donnait franchement envie d'aller plus loin. Et je pense qu'on peut parler quand même du style graphique qui n'est pas forcément très élaboré et pas énormément de détails, mais qu'est-ce qu'il Non, est. mais c'est propre, hein, voilà. C'est propre, c'est Il est efficace. épuré, enfin ouais, il est efficace. Tu vois ce qui se passe, voilà. Moi j'aime beaucoup par exemple quand il représente des, tu sais, comment dire, les personnages en version, je sais pas si on peut dire chibi, mais en tout cas en Oui, version c'est ça. mignonne, quoi. Oh, c'est trop mignon. Mais c'est ça, mais tout à fait. Mais alors que tu vois, c'est très peu de détails, mais c'est très bien. Et tu sens en plus qu'il aime bien mélanger les styles, tu vois, ce qu'on parlait du style shoujo, les différents styles shoujo, parce que tu as le style shoujo, vraiment très classique. Et tu as le shoujo un peu plus, voilà, qui va se transparaître à travers ces bulles pleines de fleurs, tout va passer Ouais, par le quand il joue regard, avec quoi. ça, ouais, avec son personnage, je sais plus Roman. comment il s'appelle, Roman, ouais. C'est très très fort, C'est quoi. super drôle. Et justement, j'ai juste terminé, juste parler par rapport, on parlait de la couverture de Monu Punpun, qui est absolument pas claire, hein, en tout cas pas claire sur ce qu'on a à l'intérieur. On voit que comment ça s'appelle, la couverture du tome 5, finalement présente tous les Ouais, chapitres. elle est Ouais, c'est ça. excellente. Elle est très très très bien pensée, la couverture du tome 5. Façon planche de bande dessinée, quoi, finalement. Même si c'est pas du tout organisé de façon claire, mais Ça fait un c'est. peu penser à une couverture de Run Deburst. Oui, tout à fait. Exactement, ouais. Cet excellent manga qu'on ne peut encore que vous conseiller aujourd'hui encore. C'est pas le sujet, là. C'est pas le sujet, on est tout à fait d'accord. Mais bon, voilà, Surtout qu'il y a un podcast consacré à l'auteur. quand tu vois ce qu'est Dance, c'est pareil, ça part. Il y avait un chapitre où ils doivent se faire. Il y a un mangaka qui s'intéresse à leur histoire. Très. Franchement, et ça s'est terminé. Le dernier tome est sorti, je crois que c'est le mois dernier au Japon, le tome 32. Ouais. Non, il sort ce mois-ci, je crois. Enfin, Ça la s'est série est fini dans le finie, Jump la série est terminée, voilà. cet été. Mais enfin bref, on se dit, on a 5 tomes de sortie, on se dit, mais il en reste encore 27. Et ça monte en puissance. Voilà, c'est juste impressionnant, quoi. Tu t'es arrêté où, Kurita, dans le manga? On scanne une centaine de chapitres. Donc j'ai encore du truc à D'accord. découvrir, donc Ouais. ça ira. Mais parce que moi, ce qui me fait peur, je pense que ça va pas arriver, mais j'ai peur que ça se transforme progressivement en un shonen baston classique. Oh non, non, pas du tout. Non? Non, ça reste de la Bon bah, comédie tant pure mieux. et dure. Tant mieux alors. Parce que c'est vrai que c'est un peu le truc que je redoutais. Parce Bah, ça se prête pas que. vraiment à la baston, je trouve. De toute façon. Non, mais tu sais, Oh bah, il est un peu. ils Il est un peuvent peu. vite faire évoluer le truc. Oui, mais bon. C'est une reine de la castagne au début, hein. Himeko, pardon. Oui, c'est Oui, vrai. non, mais il y a quand même de la baston, enfin, ça arrive, hein, mais. Oui, mais c'est D'ailleurs, pas j'aime beaucoup les scènes où ils se prennent la tête tous les trois le. et qu'Himeko, elle commence à sortir le cyclone, ça batte. C'est vraiment super Juste drôle. un Ça détail très croise drôle, d'ailleurs. c'était sur le tome. Je crois que c'est sur le tome. Je sais plus lequel. Ah, si, c'est le tome 5, pardon. On parle du style de l'auteur, de sa façon de faire rire les gens. Et il y a un truc qui me fait rire, c'est quand il s'occupe du petit garçon. Oui. Et en fait, à un moment, en fait, ils font du baseball, en fait. Ouais. Et tu les vois, en fait, à un moment, ils donnent juste un coup de coude. Ils lui disent bravo, en gros, pour le féliciter. Donc, en gros, il tape sa main, son poing contre sa paume, sauf quand. C'est Bossum, pardon. En faisant ça, en fait, il donne un coup de coude à Himeko, donc tout de suite, ça part en baston, mais c'est très très bien pensé, parce que tu sais, c'est une case toute petite, hein. C'est juste une succession de cases sans dialogue, mais ça passe, tu te prends à rire tout seul, quoi. Tu te prends vraiment à rire, parce que, à rire comme ça, spontanément. Et c'est une excellente série. Et par contre, ce qui fait pas rire dans le tome 5, c'est les derniers chapitres. Ah, Hein. tout à fait, ouais. Là, c'est plus du Exactement. tout de la comédie. On explore le passé de Switch et on apprend pourquoi il parle plus avec sa vraie voix. Et c'est assez tragique. Surtout qu'on y va progressivement, c'est-à-dire qu'on a d'abord Oui. les frères, celui qui notamment, Shinzo, pardon, qui est capitaine du club de Kendo, donc qui a des relations assez tendues avec son frère, et ça part après sur le passé assez tragique de Switch. Moi j'ai pleuré, hein, je vous le cache pas. Ah, mais c'est très fort, ouais, C'est j'avoue que vrai que c'est très c'est très fort. très fort, ouais. Surtout, on s'y attend pas, quoi. Enfin, c'est vraiment, ça nous prend. C'est très très surprenant la façon dont il l'amène en plus. Et c'est vrai que c'est vraiment très fort. Surtout qu'on n'est pas habitué, en fait, c'est bien, parce qu'il nous prend totalement à contre-pied. par rapport à ce qu'il a fait sur les, bah, sur les 4 premiers tomes et sur le tome, le début du tome 5, quoi. Et même lui, il a dit qu'il voulait surprendre les gens en faisant une histoire comme ça, qu'il avait un peu peur des réactions. Donc, Mais de toute façon, il dit à chaque fois qu'il a peur Oui, des c'est réactions. ça en plus. Ouais. Chaque chapitre, là. Oh, j'osais pas, j'osais pas. Et pourtant, il a bien fait doser, hein, parce que quand on voit Ah oui, le là. résultat final, c'est y a pas photo, quoi. Puis tu peux les relire sans souci, quoi. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Oui, il n'y a pas vraiment de Tu contexte à chaque fois. peux reprendre les chapitres indépendamment les uns des autres, donc tu peux reprendre un chapitre au milieu si tu veux. Ouais. C'est ça qui est vraiment très très bien, je trouve. Et ça permet d'avoir une lecture, on lit comme on veut, puis ça nous fait, on a 5 minutes pour lire, bah on lit un chapitre, puis ça nous fait passer du bon temps, quoi. Tout à fait. Donc voilà, dans Skate Dance 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2 aussi pour commencer. Ouais. Et le 6 qui est sorti il n'y a pas Et longtemps. ce qui est sorti, mais hop, hop, hop, hop, hop, hop. Non, mais. On garde des cartouches pour le prochain bimestriel, attention. Donc là encore, une série auquel il faut donner sa chance parce qu'elle est très très bien, tout simplement. Oui, Pas besoin de dire des compliments, ouais, pas pas besoin d'en besoin de faire une faire liste un quart énorme. d'heure dessus. Déjà qu'on a parlé 5 minutes Exactement. dessus. C'est vrai, tout à fait, mais c'était important d'en parler. Voilà. On va parler de Silver Spoon, de Shin Kurokawa. Donc là encore, qui a été lu par nous trois. Oui. Encore une fois, un tome très très intéressant. Oui. Alors explique-nous pourquoi Kurita. Ah mince. Ah Oh, ça tombe sur toi encore. Comme par hasard. Alors, qu'est-ce qui se passait déjà là-dedans? Bah, le Ah oui, foin, c'est hein. la C'est fin la de fin l'été. d'été. C'est la fin de l'été avec Yugo qui travaillait dans la ferme de sa pote Aki. Et c'est aussi là qu'on voit l'apparition du frère de Yugo, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Oui, Qu'un... Voilà. Oui. oui. Il est très fort, son frère. Il fait de la moto, son frère, voilà. Il essaie de cuisiner aussi, son frère. Il essaie, oui. Non, mais il est bien. Alors, c'est ça, c'est intéressant parce qu'on était habitué. Si on prend déjà du point de vue de la famille, on était habitué, on va dire, à avoir des relations assez tendues, pas forcément assez tendues, mais quasi inexistantes avec ses parents. Mis à part les messages que lui envoyait sa mère, et là du coup, son frère va dans son sens, dans le sens où va dans la même direction que lui, dans le sens où voilà, il veut aussi montrer à Hugo parce que qu'il a le droit de choisir ce qu'il veut faire plus tard, quoi. Donc il n'y a pas cette pression, on va dire, cette pression familiale qui pourrait être, qui était un peu une des raisons aussi de sa venue dans cette école, un peu, dans cette école à la campagne. Et voilà, donc il y a ce côté familier qui est un peu développé parce que après son frère on le voit pas non plus tout le temps sur ce tome 3, mais on retrouve un peu toutes ces informations très intéressantes sur la campagne, sur les éleveurs, sur les fêtes aussi qui peuvent exister au Japon tout au long de Ah oui, il y a l'année. le festival d'été là. Tout à fait, C'est vraiment un bon il chapitre. se prépare à Ils se préparent à tout écouler. C'est marrant parce que ils essayent de tout écouler, notamment les vendeurs de bouffe, on va dire. Ouais. Et à chaque fois, ils se font dévaliser. C'est très très drôle. C'est très très bien foutu, quoi. Et on trouve de toute façon le dessin caractéristique là-dessus. Il n'y a aucune surprise à avoir de Arakawa, qu'on a très bien connu sur Fullmetal Alchemist. Et puis voilà quoi, Tuntun, ton avis sur le tome 3? Le meilleur des trois tomes pour l'instant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des ressorts très drôles, notamment ce festival avec tous les membres de club, etc. Qui viennent bouffer. Ouais, dans l'ensemble, je trouve que ce tome est plus drôle, est vraiment plus drôle. Le dessin d'Hiromu Arakawa est encore très très bon. J'aime beaucoup son style un peu carré, sa façon de dessiner les visages, etc. Elle est faite très expressif et j'adore. Et il y a juste encore ce problème où j'ai un peu du mal avec Hugo, le héros. J'ai du mal à le cerner. J'adore tous les autres personnages, mais lui, je sais pas, j'ai un problème avec lui. Bon, c'est pas Comment ça? spécial. Je sais pas, j'arrive pas ses motivations, Bah justement, même son lui, caractère et tout. bah lui Ouais, c'est mais pas non plus. Et c'est pas non je plus sais ses pas, motivations, lui, donc. je sais pas, j'arrive pas à le cerner en fait. Et c'est assez bizarre, hein, c'est dur à expliquer, mais bah, pour enfin, à part au début où ça m'a un peu dérangé, toute la galerie de personnages fait que de toute façon, je passe outre, on va Oui. dire. Mais c'est vrai que, enfin, pour moi, la qualité de la qualité, pardon, la qualité du manga se fait vraiment par les autres personnages plus que par lui, quoi. Et t'as aussi ce qui est intéressant, c'est comme je crois qu'on l'avait dit dans une précédente émission, mais Arakawa, elle a vécu avant d'arriver sur Tokyo, de travailler dans le manga, elle a Ah ouais, vécu dans une elle a ferme. grandi dans une ferme. Donc tu sens vraiment la sincérité sur en tout cas la connaissance, tu comprends bien, voilà, les situations sont totalement crédibles. Notamment à l'exploitation comment ça s'appelle, à la fin de l'été, quoi, avant la reprise des cours. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est finalement l'évolution des personnages, notamment par l'action du Hugo, parce que c'est notamment très bien dit et très bien vu dans les derniers chapitres. Et finalement, je crois que c'est un enseignant qui dit ça, qui se rend compte que finalement, ce que dit Hugo a un impact aussi sur la réflexion que se font Ses ses camarades. camarades de classe, Ouais, merci. parce qu'il apporte un œil neuf en fait Ouais. sur tout ce système-là. C'est intéressant aussi du coup d'avoir un espèce de contre-pied parce que on va dire étaient déjà dans leur vue, ils savaient déjà ce qu'ils allaient faire, en tout cas ils savaient déjà que ce soit de la reprise d'une activité ou faire voilà être vétérinaire ou vraiment travailler auprès des animaux. Lui ne sachant pas, finalement il apporte alors pas forcément une incertitude mais au moins une réflexion qui est intéressante à suivre et je pense vraiment j'ai pas lu de scan de la Moi non suite. plus, donc. Mais je pense vraiment que cette réflexion va prendre de plus en plus d'importance, en tout cas de façon différente, sur différents faits qui se dérouleront dans le manga, quoi. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet aussi, ça fait partie de ces mangas qui permettent aussi de faire un éclairage particulier sur une profession, sur un milieu aussi, hein. Le milieu agricole qui est quand même assez spécifique, notamment pour les personnes qui n'ont jamais travaillé dedans, c'est très compliqué quand on n'a pas déjà un pied dedans par le biais de sa famille. Donc cette présence de Hugo est très très intéressante moi je trouve, tu vois, contrairement à toi, Tuntun, que finalement c'est. Alors, je suis un peu d'accord avec toi dans le sens où il peut paraître effacé, mais finalement il met en avant. Les autres personnages et du coup En fait, oui, il sert dans le manga parce qu'il est très fédérateur en fait. Exactement, ouais. Bah Et oui, voilà. c'est vrai qu'il regroupe un peu tout le monde autour de lui. On l'avait vu dans le tome 2 avec le four à pizza, Ouais, par ouais. exemple. Oui, quand ils sortent la fameuse légende urbaine, ouais, quoi, on peut commander une pizza et la recevoir à la maison en 30 minutes. Donc c'est très drôle parce que t'as cette séparation ville-campagne qui finalement apparaît plus. Comme ça, en tout cas, dans le tome 3, elle est beaucoup moins Oui, forte. oui, Oui, parce qu'il oui. Oui, parce s'intègre qu'il enfin. voilà, il commence à s'habituer aussi, quoi. Mais voilà, d'autres choses à ajouter sur Silver Spoon? Non, c'était très bien. Voilà. Voilà. On sent quand même les gars qui ont lu le tome il y a très longtemps. Oui, c'est ça en plus. Genre Bah 3 heureusement mois. qu'on y a on y a rejeté un coup d'œil. Ouais, il y a genre là. Genre Exactement. là, il y a deux Exactement. minutes. Ah non, mais si on en parlait, tout à fait. Mais il faut, donc, bimestriel, septembre-octobre, ne vous en faites pas, il y aura certainement, Ce sera plus frais. pour les trois, le tome 4 qui sera lu, puisqu'il sort au début du mois d'octobre. Oui, Donc certainement. voilà. Donc là encore, Peut-être, oui. une bonne chose à lire et à regarder, en tout cas. À noter, bah juste pour la petite digression, c'est que Wakanim diffuse en ce moment en simulcast la version animée de Silver Spoon. Oui, Donc tout à fait. un épisode, les épisodes sont visibles gratuitement pendant un mois avant de passer en formule payante, un peu comme c'était le cas sur l'Attaque des Titans. Et alors j'ai pas eu l'occasion de regarder J'ai vu le premier. beaucoup, mais il y a une vraie différence où ça suit vraiment la trame du manga. Ça suit la trame. Ouais, C'est ouais, c'est enfin moi j'ai vu que le premier, mais le premier suit exactement la trame. du manga. Et du coup, je vois peu d'intérêt en fait. Oui, si t'as lu le truc, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. C'est, graphiquement, c'est exact. Enfin, le design, c'est exactement le même. Bon, là, ça bouge quoi. C'est, bah, c'est pour attirer des lecteurs en fait. Mais c'est bah, promotion. Voilà, hein. C'est, comme tous les animés. Animé, quoi, donc, c'est donc, pour c'est promouvoir que, le manga. Voilà, c'est, on le sait, beaucoup d'animés apportent beaucoup de lecteurs en général au manga. Donc voilà, c'est une chose, enfin, fallait qu'il fasse. C'est ce qui était arrivé à FMA, c'est ce qui l'avait aidé grandement à se faire connaître. Bah, là, c'est enfin, Silver mal, Spoon sauf était que... déjà connu avant, donc oui, l'anime a pas oui, vraiment servi. Il a eu beaucoup de, il a eu beaucoup de récompenses déjà, ouais, ouais. Et, enfin voilà. Mais c'est vrai que bah, l'anime, c'est bien pour ceux qui connaissent pas. Pour Ouais, ceux voilà. qui connaissent, il y a franchement peu d'intérêt, quoi. Ok, alors on va passer au manga suivant. Alors on va passer du côté de... on retourne du côté de Shekana avec Bakuman tome 15. Non, je m'en souviens pas du tout. C'était longtemps, ça. Bakuman tome 15, donc Kurita, qu'est-ce que tu en penses? Attends, je le relis. Attends, qu'est-ce qui se passait déjà là-dedans? Mais si, c'est passé. Alors, franchement, Ah alors, oui, c'est la fin de l'arc avec. Oui, alors de ce personnage totalement inutile. Ouais, non, j'ai oublié le nom. Oui, Non, pas inutile, mais Ouais, mais bon. Ouais. ça a apporté quelque chose de différent. Ouais, mais le soufflet est retombé Oh, assez vite. Hein. La tellement vite. fin est cat... enfin, la Ouais, fin de c'est l'arc est un peu catastrophique, bâclé. quoi. Hein. C'est Puis n'importe surtout quoi. le rebond tellement prévisible. Ouais. Ouais, et puis ce côté âme, ouais. Enfin, faut pas trop que je spoil, mais le truc un peu, bon bah finalement on est copains et puis je Voilà. reviendrai plus fort machin. Ça m'a Et saoulé après, on l'oublie, quand tu perso. vois la, voilà, quand Totalement. tu vois l'arc. Par contre, ce qui est une bonne chose je trouve, c'est que ça a ramené sur le devant de la scène Nakai. Parce qu'une Ouais. grosse partie du tome y est consacrée. Ouais, c'est vrai. Et c'est très intéressant, même si je pense que, enfin, faut vite qu'il fasse évoluer parce que là, on tourne un peu en rond avec lui. Voilà, on retrouve un peu en plus poussé ce qui s'était déjà passé il y a quelques Ouais. tomes avant. Mais ça fait quand même plaisir de revoir Nakai Oui. revenir et surtout, voilà, on voit un peu une perspective d'évolution pour lui et revenir avec enfin quelque chose d'un peu différent quoi. Même s'il reste, je trouve, pathétique, en tout cas, dans ce tome 15, bah, il y a un peu un Ouais, rose. mais il évolue quand Il est même. mis en, voilà, il Il évolue, il est mis évolue en et avant. notamment grâce à Hiramaru, qui est mon personnage préféré de tous les Ah tomes. oui, Il est c'est le meilleur extraordinaire ce perso. perso. Avec sa tenue tellement Kill Bill sur sa moto. Bah, surtout, pas Kill Bill, surtout Bruce Lee, quoi. Oui, Oui, Bruce c'est Lee, oui, ça. pardon, oui, excusez-moi. Honte à toi. Oh là là! Je Mais voulais non, savoir oui, si. il est extraordinaire. Sur les deux derniers tomes, il a deux chapitres où il apparaît vraiment comment dire, en héros, quoi. Et ces deux chapitres, c'est les deux meilleurs chapitres des deux derniers tomes, quoi. Ils sont extraordinaires. Alors, il y a une réflexion aussi qui est intéressante, qui apparaît en. Alors, il y a deux réflexions intéressantes d'ailleurs, je trouve, dans le tome 15 du Ouais. manga. C'est un peu la réunion des anciens élèves, où Ouais, on se rend oui. compte qu'ils sont totalement déconnectés du Ouais. monde réel. Ouais. Et ça marche dans les deux sens, hein, c'est-à-dire que eux sont totalement déconnectés du monde réel et les autres sont complètement à l'ouest, on va dire, par rapport aux idées qui peuvent se faire des mangaka. Notamment, bah, comme ils gagnent de l'argent, bah, forcément, ils Ouais. doivent faire la fête, sauf que tu te rends compte que, tu vois, ils arrivent, Mashiro, pardon, il arrive avec les mains encore tachées d'encre. Il est là sans être là, quoi. Il se Bah dit... ouais, c'est des bêtes de travail quoi. Ouais. Les mecs, ils bossent 20 heures par jour et c'est ça étonne tout le monde en fait parce que pour leurs anciens camarades, ils bossent de leur passion donc c'est cool et tout et en fait ils se rendent pas compte du boulot qu'il y a derrière quoi. Exactement. Et c'est bien aussi, je trouve, cette réflexion vis-à-vis de la réalité. C'est par rapport aux idées reçues qu'on peut avoir là-dessus, notamment par rapport au fait qu'ils aient commencé très jeunes, finalement. comme ils le disent, ils ont commencé, c'était encore au collège. Ouais, jeunesse du coup. Sur, donc ils ont commencé à dessiner. Alors voilà, c'était quand même un pari assez risqué pour leur âge. Et là, on se rend compte que finalement, bon, ils ont très peu de vie ouais, en ouais. dehors du manga, quoi. Et alors, je me permets de continuer juste sur la deuxième réflexion. C'est la réflexion qui fait la fin sur la fin du tome 15, ouais. Sur plusieurs chapitres. L'influence des mangas. Exactement, sur la réalité. Ouais. Et c'est pas anodin, je pense, notamment par rapport au sujet de PCP, donc le manga qu'il dessine, Perfect Crime Party. Ouais. Et qui est pas anodine sur les faits divers qu'il peut y avoir au Japon, sur l'influence que peut avoir le manga sur la société, même si là c'est quelque peu caricaturé, voilà. Oui, c'est poussé à l'extrême. Ouais, mais on voit bien quand même, on voit bien la réaction aussi des dirigeants du Jump, ouais, oui. Et qui est, je pense, la réaction réelle, quoi. Enfin, c'est, oui, je pense que ça arrive vraiment. Et, ouais. et du coup, il y a un petit côté communication aussi du Jump à travers ça. Qui est rigolo à voir, quoi. Parce qu'on voit un peu comment gérer une communication de crise, parce que c'est un peu le cas, hein, par rapport à la façon dont les médias se prennent en main le manga, ouais, ouais. La façon dont ils le présentent. Et je trouve, voilà, c'est bien, je trouve que ce tome 15 permet un peu de sortir, parce qu'en même temps, il faut dire que voilà, t'as 15 tomes sur des mangaka qui font toutes les semaines des chapitres, qui attendent toutes les semaines des résultats. Si au bout d'un moment ils trouvent pas d'autres sujets de discussion qui sortent un peu de ce timing là, ça le risque qui aurait été d'avoir un manga très très redondant, et là ils arrivent toujours à avoir des idées intéressantes pour pousser la réflexion plus loin que le manga finalement. Enfin, je trouve que ça ralentit un peu, franchement. On approche de la fin, donc c'est un ouais, peu ouais, ça tourne un peu en rond, je trouve, quand même. Oui, bah, même s'il y a des nouveaux thèmes et tout, mais... Moi, tu vois, j'avais trouvé... C'était plus sur les premiers tomes, ça devait être les tomes 6-7, ouais. Où il y avait ce côté un peu redondant, justement. Ouais, il y a un petit creux, oui, c'est vrai. Où tu te rends compte que voilà, ils sont toujours sur les résultats, ils essaient de trouver des nouvelles idées, savoir ce qu'ils peuvent faire et tout. Alors, c'est un peu normal aussi, heureusement d'ailleurs, que la série se termine en 20 tomes, hein, c'est ouais, indiqué ouais. à la fin du tome. Ouais. Mais pour le coup, voilà, je trouve que l'idée est intéressante, en tout cas la réflexion est intéressante, après à voir comment... Après, c'est peut-être le traitement qui est un peu long, ils auraient pu peut-être le raccourcir un peu. Ouais, je pense aussi, oui. Ouais, parce que là, je sais pas combien de chapitres ça prend, mais ça en prend un certain nombre, et c'est pas fini à la fin du tome. Mm-hmm. Et c'est vrai que même si le traitement est bon et la question est bonne aussi, ouais. Ils auraient peut-être pu raccourcir un, ouais, un j'espère petit juste peu, que, un petit j'espère peu juste que ça va pas retomber comme l'arc précédent, quoi. Oui. Qui commençait très bien au final. Bah, on peut même dire que l'arc se termine à la limite, hein, avec ce tome 15, hein, l'arc du parce qu'en tout cas ils arrivent à trouver une idée. Je pense que le premier chapitre du tome 16 servira de conclusion avec la ouais, suite. Ouais. Oui, je pense. Ouais. Et chose intéressante quand même dans le tome 15, c'est qu'il y a quand même un élément qu'on a totalement oublié. Je vais pas le dire, parce que je préfère laisser la surprise au lecteur, ben, quoi qu'il ait peut-être déjà lu depuis... Bah oui, je pense, hein. Tu peux y aller, là. C'est la fameuse règle qu'avait imposée, que j'ai oublié son nom, Eiji Nizuma, s'il oui, devenait oui. premier du Ah oui, il pouvait jeune. Annuler une série. Voilà, donc ça, je trouve que ça va être intéressant. Bah, oui et non, parce que s'il le fait, on repart encore sur la création d'une ouais, série, ça recommence, on cherche les idées. Attention, parce qu'à voir comment ça va être géré après, hein, parce que... Oui, oui, mais oui, bon. Oui, après, voilà, ils peuvent nous surprendre, ils l'ont déjà fait, mais c'est vrai que c'est pas un truc où on doit se dire... Ouais. Et forcément, c'est une... Enfin, ça va être forcément très bien ce qu'il veut. Après, le fait de repartir et tout, faut voir comment il le traite, quoi. Il va être obligé après de faire de la bande dessinée franco-belge, l'adaptation de Tintin au Japon. Tintin. Ou Tintin au Japon. voilà. Donc, on verra ça après dans les tomes. Donc, il ne reste plus que 5 tomes. C'est ça. Jusqu'à la conclusion. Ouais, s'il y en a encore pour un peu plus d'un an, je pense. Parce que c'est, en ce moment, les sorties elles sont trimestrielles. Ouais. C'est pas plus mal, ça nous permet sachant de... qu'il y a le 16 qui sort là dans quelques en octobre, ouais. Ouais, fin 2014, ça sera bon, je crois. Je pense, ouais. Oui, c'est une série qui est intéressante, hein. Moi j'aime beaucoup le dessin. Bah oui, Bah c'est je pense sûr. que le dessin on De peut toute façon, tellement rien lui dire. on peut pas tester au bâtard, quoi. Ah, c'est clair. Autant, bah, j'avais déjà dit avant, mais autant j'ai pas du tout aimé le dessin de Death Note, autant celui-là je le trouve beaucoup plus coulant, beaucoup plus comment dire, Rond. arrondi. Ouais, voilà. Ça permet beaucoup plus de fantaisie que Puis sur très Death très Note. expressif. Ouais, Enfin, c'est totalement. vraiment. Et il leur fait faire des têtes. Ouais, J'adore. C'est génial, mais quoi. je sais en plus que vous le feuilletez en même temps que vous parlez, ça c'est quand C'est même ça, incroyable. c'est exactement Je ça. viens de le reposer. Moi aussi. Moi aussi, à l'instant. À l'instant. On va faire des vidéocasts, ça serait Ouais, ça va marrant. être ça maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a lu il y a 4 mois? Alors, oui, enfin c'est exceptionnel, hein. On ne fera pas ça tous les 4 mois non plus. Hein. Ouais, dis Enfin, pas ça, on sait j'espère. jamais. On n'est pas un PC prêt, Non, mais hein. non, On n'est pas un non, PC prêt. non. Au pire, on fera ça sans toi. Voilà, c'est Ouais. ça. Je vous laisserai lire mon Ah, vu que tu avis. lis rien, toi. Ah, si, attends, pour l'instant, on a 4 Oui, mangas, là il me t'as tout semble. lu. Mais après, c'est un peu. Après, C'est on Toon qui verra. parle. Je pense que Toon est au-dessus. Je me Ouais. rapproche de toi, Kurita. On verra après pour le mois de Ouais. septembre octobre. Ça va être une Bon, autre là, paire ça de m'a manches. changé, hein. Là, il y a le patrouille qui va arriver, là, Panthéon et Kurita, et le taulier qui va arriver. Et là, il va tous se mettre d'accord. Bah, très En bien, je parlant de pense. pampan, on met tout le monde d'accord, faut passer à la suite. Exactement. Bon, la suite, c'est l'Attaque des Titans, qui a été édité chez Pika Édition, qui est en Malheureusement. force. Ah, tu vas nous dire pourquoi après, mais en Non, cas. mais c'est juste d'une manière générale, Pika, c'est pas vraiment. Bah, moi, je trouve qu'ils font beaucoup Oui, d'efforts ils sont ces améliorés, je derniers trouve. temps. Surtout sur Ils ont amélioré le Chiayafulu, mais. papier, ils ont. Ouais, Chiayafulu, il y a Ouais. Billy Bat qui est vraiment pas mal aussi. Oui, Oui, oui. il s'améliore, c'est vrai, je suis méchant, je suis C'est méchant. méchant. Non, mais c'est vrai que pendant longtemps, ça a été quand même une catastrophe, quoi. Ouais. D'ailleurs, juste pour lancer le sujet, l'Attaque des Titans qui était en force à la Japan Expo. Ah bah oui, Avec, encore heureux, lui. bah, le stand n'était pas très grand, mais tu avais forcément la tête de ce titan Ouais. Sanko qui était là pour se repérer aussi. Bah ouais, parce qu'en fait l'attaque des Titans c'était un peu la licence de l'année, hein, Oui. franchement. Bah ouais, en plus, Ça tout cartonne au Japon. l'anime venait juste de commencer. Enfin, ça faisait Oui, à l'époque, un oui, mois, je ça crois. commençait, ouais. Parce qu'il est sorti. Donc, c'est sorti pour la Japan. Ouais. Et Les cosplays non, étaient 2 jours déjà avant. là. Et l'anime a dû commencer au mois de juin. Début juin, je crois. Ouais, c'est ça. Oui, c'est par Ou là, ouais. mai-juin. Mai-juin, ouais. Donc, c'était vraiment au cœur de la hype. C'était à fond, quoi. Ils l'ont Alors, sorti au bon moment. c'est quoi la technique? On se raconte quoi? Vas-y, Toon Ça raconte des titans qui attaquent des humains. Toon. Non, alors en fait, c'est voilà, un monde d'humains, donc un monde, comment dire, Alternatif. moyenâgeux, ouais, alternatif, Moyen-Âge, on va dire, voilà. moyenâgeux, ouais, à peu près, on va dire, ça se situe à peu près comme ça. Et donc, l'histoire se passe 100 ans après que le monde des humains se soit fait attaquer par des titans, donc qui font 5 à 5, enfin 5 mètres à 60 mètres pour le plus grand de haut. Et donc ils sont le peu d'humains qui a survécu s'est retranché dans une espèce de ville forteresse, enfin une ville, un terrain immense qu'ils ont fortifié avec des murs Ouais. de 50 mètres de haut. Et qui voilà qui se ils sont reclus là-dedans et vivent tous ensemble et à l'abri des titans en fait. Et puis un jour au début du manga un jour un titan apparaît devant la muraille et ce titan fait 60 mètres de haut donc Ouais, 10 de donc plus 10 mètres de que plus, voilà. voilà que la muraille. Et il donne un grand coup dans la muraille Ouais. qui forcément fait un énorme trou dedans. Et là, tous les titans s'engouffrent dans une partie de la ville. Donc en fait, la ville est divisée en plusieurs secteurs qui sont chacun fortifiés, etc. Et donc il y a une toute petite partie de la ville qui est envahie. Et voilà, et donc là c'est la panique et comment dire, tout le monde se retranche dans les secteurs plus au cœur La ville d'un. de la ville. Et donc on suit l'histoire de Mikasa Eren, et Eren, voilà. Armin. Et Armin. Ouais, mais Armin, ça fait, enfin, les deux protagonistes sont vraiment Eren et Mikasa, je trouve. Oui. Et donc Eren et Mikasa qui sont Mikasa qui a été recueilli en fait par les parents d'Eren. Donc ils ont été élevés ensemble, donc ils sont quasiment frères et sœurs en fait. Et voilà, et donc comment dire, le père d'Eren est médecin, et sa mère donc est femme au foyer, et sa mère pendant l'attaque meurt tuée par un titan, mangée par un Manger, titan, manger par instant. mangée par un titan, puisqu'il mange les humains. Et donc, à partir de là, vengeance, etc. Ils vont rentrer dans le corps d'élite pour défendre la ville. Et à partir de là commence l'aventure. Et comment dire, Très beau graphiquement. Mais non, moi j'aime bien, franchement, le style. non, les premiers chapitres sont quand même super hard, quoi. Ouais, mais Au bon. niveau dessin, Je sais pas, ouais. Moi j'aime Alors, bien le style griffonné. c'est C'est ouais, ça. on dirait ça n'avait pas été ancré en fait. Ouais, c'est. C'est assez bizarre, Mais ça colle mais bien à l'ambiance, quoi. en En fait, fait, ouais, ce sont des. ça installe une ambiance. Enfin, il y a un malaise quoi qui Ouais. s'installe dès le début. En fait, ce qu'il nous a pas dit, c'est que c'était des Nemo, en fait. C'est ça. Donc les Nemo, pour expliquer, c'est les travaux préparatoires avant le dessin définitif des chapitres. Mais Tu disais, oui, au excuse-moi. début, ça ressemble un peu à ça. Et c'est vrai que après, ça évolue. Mais à partir la fin du tome 2 et du tome 3, déjà, on voit une assez nette Ouais, mais évolution ça garde la du patte trait. griffonnée. Mais il y a toujours ce truc très brut, quoi. Ouais, mais du coup, Et ça renforce le côté un peu mal, pas malsain, mais oppressant, Psst, enfin, ouais, oppressant. c'est vraiment les titans, la façon dont ils sont dessinés. Bon, Ah, ouais, elles ont des tronches, ils ont. putain. Ouais, ils ont beaucoup de temps quand même. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a, enfin, la façon dont ils sont dessinés, c'est oppressant. Et puis toute la mise en scène, puis c'est dur quoi. Enfin, pour un shonen, Ouais, bah d'ailleurs, c'est classé en seinen en France, donc c'est. c'est classé. D'accord. Ouais. Ouais, mais Oui, c'est au piqué des Japon, histoires. Oui, c'est au Japon, classé c'est un en shonen, shonen. mais pas en France. Ouais, ils ont l'habitude avec des Okutonoken et tout Ouais. en C'est shonen. vrai. Jojo. Mais oui. Mais c'est vrai que de voir un humain se faire manger comme ça d'un coup Ouais. par un titan, Et c'est pas c'est censuré, hein, assez c'est. assez assez étonnant quoi. Et puis c'est vrai qu'il y a tout l'univers qui est mis en place. Il a vraiment créé tout un univers et une mythologie, etc. Il sait où il va. Il sait où il va, tous les équipements, ils sont décrits dans les interchapitres et tout. Ouais. Ça fait longtemps qu'il travaille dessus d'ailleurs. Parce Oui, que c'est parce un. que la Ouais. première histoire, enfin, Il le avait pas. premier jet, Il était c'était il tout y a vraiment jeune, longtemps. Bah, il non? avait proposé l'histoire déjà au Jump, quand il avait genre 19 ans. Donc, ouais, ça remonte bien. Oui, c'est clair. Et puis des mondiales, en plus déjà le dessin à l'époque était encore plus. Encore plus moche, oui. Encore plus moche, on peut dire, ouais. C'est clair que t'es pas aidé là-dessus. Alors pour le dessin, j'avais lu, c'était une interview de lui où il disait en fait qu'il avait été influencé par le. Je sais pas si vous connaissez le manga Arms qui avait été édité chez Ouais. Kana. Et Ouais, je vois. on trouve un peu ce côté brut de décoffrage C'est vrai. qu'on retrouve dans le dessin de l'attaque des Titans. Donc je pense que c'est pas non plus anodin. Ça a vraiment dû avoir un impact Non, important mais sur lui. tu vois quand même que techniquement, c'est assez faible, quoi. Après, comme on l'a dit, le dessin évolue et s'améliore. Mais il garde toujours cette patte un peu brute, quoi. Par contre, là où il s'en sort, c'est au niveau de la mise en scène, Ah oui. qui Ouais, au niveau rattrape de complètement le la reste, quoi. narration, des cadrages et tout, quoi. Ah ouais, c'est. Il est vraiment très très bon, quoi. Et ça donne une pêche. Dans les affrontements, quand ils utilisent l'équipement Ouais, une tridimensionnel. bonne sensation de mouvement, je trouve. Ouais. Et ce qui est super intéressant, c'est finalement dans l'histoire, il y a énormément de mystères, il y a énormément de questions qui se Ouais, c'est posent, et dont, dont on a très peu de réponses. Ah, c'est Même. le Lost du manga, tu vois. Ouais, voilà, après, voir comment ça va se goupiller sur la fin, mais Ouais. comment Et c'est il vrai que ça va. évolue vite. Déjà, en 3 tomes, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. Et notamment, dans le tome 3, la fin du tome 3, il y a quand même un événement très très important. Enfin, moi personnellement, je pensais pas que ça arriverait aussitôt, quoi. Tome 2 ou tome 3? Fin du tome 2, je crois, ou début du tome 3. Donc quand Eren... Ouais, je vois. On va pas spoiler. Ouais, c'est enfin voilà, c'est mais oui, il se passe beaucoup de choses, l'histoire avance. Alors, je sais pas, après là, ils en sont au tome 11, je crois, au Japon. Ouais. Je sais pas comment ça évolue Moi, je vais rien exactement, dire, mais... Ça mais évolue. je pense que voilà, enfin, chaque tome apporte encore pas mal de choses, et là on sent qu'il y a encore beaucoup de mystères. Il nous laisse des petites pistes, en fait, et c'est vrai que c'est super bien foutu, quoi. Bon, voilà une bonne pioche, en tout cas, encore une fois. Du côté de Chipika, alors faut passer le côté le dessin, si on n'est pas faut là encore, c'est faut donner sa chance au produit, on va dire, parce que c'est il y a une vraie Le histoire mérite. qui tout à fait une vraie Ouais. histoire qui se développe derrière, et très très intéressante, avec ces titans, on sait pas d'où ils viennent. Il y a aussi tout ce côté savoir comment les battre, savoir s'il y a d'autres façons de les tuer qu'en leur sectionnant l'arrière du cou, quoi. Donc, La nuque, la donc. nuque. Excusez-moi, j'étais en train de lire en même temps le manga, j'ai du mal Voilà. à situer les choses, voilà. Donc, une bonne chose à faire, à lire, en tout cas. Sur ces deux tomes-là, le tome 3, c'est plus pour septembre-octobre, c'est ça? Ouais, comme le top 4. Donc on verra ça plus tard dans la prochaine émission dans le prochain bimestriel. Eh ben, je vais vous laisser parler, je vais vous redonner la main à nouveau, cette fois sur Toriko, tome 11 et tome 12, que vous avez tous les deux lu. Oui. Oui. Ne vous battez Oui. pas pour prendre la parole. Tome 11 Vas-y. et tome 12, donc tome 11 et puis le début du tome 12, on a la fin de l'arc avec la soupe millénaire. Ouais, voilà. Très bon arc. Excellent arc avec Toriko évolue beaucoup, et on apprend beaucoup de choses, et puis le début de Toriko, après, qui se fait soigner. Donc ça, c'est parce que Perd un bras, donc. il perd un bras, donc faut qu'il le retrouve quand même à un Rien moment, que ça, quoi. ça peut Oui, rien que servir. ça. Ça peut servir, oui. Et après, il y a le début de l'arc avec la pousse d'ozone. Un Donc mini-arc, voilà, un arc, oui, c'est assez court, parce qu'il se c'est la finit au tome transition. 13. Ouais, c'est transition. Mais arc qui va être important, parce que on vous en reparlera la prochaine fois. Ouais. Mais voilà, Toriko, qu'est-ce qu'on peut dire? On en parle à chaque fois, mais bon. C'est. Enfin. Au niveau shonen, Neketsu, Fais c'est de mieux, je un trouve. des meilleurs trucs Hein. qui se fait actuellement, quoi. Ouais. On a toujours ce côté aventure, comme dans les Ah premiers oui, tomes. clairement, ouais. Et plus encore, justement, avec ce chapitre cet arc sur la pousse d'ozone. Ouais. Et il y a vraiment ce côté aventure, et puis les bastons sont vraiment drôles et réfléchis. Et c'est surpuissant, Toriko. C'est à lire. Si on aime le Neketsu, faut le lire. Ouais, tout à fait. Rien à rajouter. Facile, hein, non? Non, mais il n'y a pas C'est trop grand-chose à dire facile, sur ça. Toriko, Ah quoi. non, On est déjà à 12 tomes, donc si vous connaissez pas déjà, c'est un peu dur de le non. Ouais. vendre. Mais ouais, faut. Enfin. C'est trop bien. Et Voilà. puis le tome 13, on en reparlera la prochaine fois, Ouais. mais le tome 13 est vraiment très très bon. Est-ce qu'il y a d'autres personnages marquants autour de Toriko? C'est vraiment lui Bah, le... il y a Toriko et Komatsu, donc Ouais, c'est le son duo principal, cuisinier, quoi. C'est vraiment, ouais, c'est les deux principaux, et même c'est pas Toriko vraiment le héros, c'est plus c'est Komatsu. Komatsu. Ouais. C'est vraiment Komatsu le protagoniste, et c'est un personnage adorable, et c'est pareil, bah, c'est un peu comme Yuko, c'est un personnage qui fédère. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est le et plus il a normal même du groupe, donc. Yuko de Silver Spoon. Hein. Ouais. Oui, Yuko de Silver Spoon, dont on a parlé tout à l'heure. Et Komatsu, ouais, c'est un, déjà, il est petit. dans ce monde de brut où ils font tous 3,50 m de haut, C'est ça. Avec des tours de bras d'un mètre. non, c'est. Et puis ouais, il y a beaucoup de très bons personnages autour de ces deux-là. Les ennemis sont très bons aussi. Non, c'est vraiment. C'est vraiment des clichés, mais bon. Ouais, mais justement, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on les identifie très oui, rapidement. Tu les reconnais direct. Et puis ça passe tout seul, quoi. C'est de la lecture, c'est. Tu poses ton cerveau à côté et c'est voilà. Ça, ouais, c'est il se tape dessus, brain. voilà, il y a C'est un du peu son. le Fast and Furious du manga, ou. Oui, bah oui, hein, si on veut. Ouais, on peut. Je sais pas, Transformers ou. Voilà, c'est un blockbuster. C'est ça, ouais, ça. Mais c'est pas non plus totalement con. Il y a, enfin, je veux dire, les bastons sont réfléchis. C'est. Enfin, c'est du shonen, quoi. Donc. Oui, c'est, oui. Voilà, c'est on un va pas dire que shonen, c'est le truc. C'est comme ça Dragon Ball, hein, révolutionne. on a Voilà. Dragon Ball, mais il y a pas. Ouais, ça tape, s'il te on est plaît, content, parle quoi. Bien de Bah oui, Dragon voilà, Ball. on demande que ça. Ouais, voilà. Non, mais oui, ça révolutionne rien. C'est juste que c'est très bien fait, quoi. Voilà. Très efficace. Voilà, c'est ça. Bah, très bien, c'est parfait. Alors on va passer à Kids on the Slope, Sakemichi no Apollo en japonais. Waouh. Ouais, ça, ouais. Donc on a lu que Kurita et moi. Ouais. Alors on a mis les trois premiers tomes du coup, parce que les trois premiers tomes sont sortis entre mai et août. Et on retrouve, alors pour information, la série doit toujours être disponible d'ailleurs en simulcast, donc sur Dailymotion, donc sur la page d'Ibex, il y a 13 épisodes qui sont disponibles. D'ailleurs, la série dans son intégralité est disponible gratuitement. Et donc, Kazemanga a édité la version manga, donc duquel à l'origine de l'animé. Pour résumer rapidement pour ceux qui n'ont pas lu. C'est l'animé qui est adapté du manga ou c'est le Oui, manga qui c'est est... ça, ouais. D'accord. C'est d'abord le manga et ensuite l'animé. Ah d'accord, je savais pas. Et pour expliquer un peu ce qu'est Kids on the Slope, alors déjà, faut se dire que si vous avez lu l'animé, si vous avez vu l'animé, pardon, il n'y a pas besoin de voir de lire le manga. Bah moi j'ai vu l'animé, hein, mais... Ouais, mais finalement, on retrouve, moi, sur les trois premiers tomes, on retrouve Oui, la même. c'est juste vers la fin que ça va changer un peu. C'est pas dans le même ordre. Hein. J'ai l'impression que l'intrigue n'est pas forcément dans le même ordre que les chapitres. Hein. L'intrigue de l'animé par rapport aux chapitres, mais dans l'ensemble, on retrouve les mêmes choses, quoi. Alors, on retrouve déjà un triangle amoureux, si on peut dire ça comme ça, entre Kaoru, qui vient d'arriver. Dans sa nouvelle école, et donc lui, pour expliquer, donc Kids on the Slope, c'est un manga autour de la musique du jazz, de la découverte d'un univers musical. Et donc Kaoru, lui, il a plus une formation de musique classique. Satoru, donc lui, c'est les gros bras de l'histoire, et c'est Le rebelle. le rebelle, voilà, exactement. C'est le nouveau camarade de Kaoru, et c'est lui, en fait, qui va lui faire découvrir le jazz, qui va totalement le bouleverser, en tout cas, qui va l'étonner, parce que lui, avec sa formation classique qui est très carrée dans Il ce trouve qu'il ça un veut peu faire. barbare, le jazz. Exactement, ouais. On le voit essayer, notamment dans l'anime, on le voit essayer, il comprend pas, donc il achète des vinyles, mais il comprend pas, il n'arrive pas à retrouver, à refaire la même chose que ce qu'il entend. Et enfin, forcément, pour encadrer ces deux adolescents, il y a Ritsuko, donc l'amie d'enfance de Satoru, et Non, de Sentaro, tu veux dire. de Sentaru. Oui, non, parce que je l'ai marqué en plus, c'est pour ça que je Tous me souvenais ces plus. Mais... noms japonais, on s'y retrouve. Il ne peut pas s'appeler, je sais pas, moi, Régis, Des choses comme ça, des prénoms simples, quoi. Ah, dans les années 80, il se serait appelé comme ça en France, hein. Mon Dieu, quelle C'est vrai. horreur. Ouais, je vous conseille d'ailleurs, à ce sujet, si vous avez l'occasion de lire l'adaptation manga, l'édition du manga du Collège Foufoufou par Tonkam, c'est un délice pour ça. Parenthèse fermée. Alors, juste Ritsuko, donc son père est disquaire, donc c'est aussi l'endroit où ils vont, où les uns et les autres vont répéter pour leur groupe de jazz, notamment. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Kurita? Ah. Bah, vu que j'ai déjà vu l'animé, je savais déjà que j'allais aimer, donc c'est une histoire d'amour assez simple au final, mais c'est juste qu'il y a l'enrobage jazz, pas facile à dire, autour qui donne une saveur particulière, on va dire. Oui, quand on regarde l'animé notamment. Oui, aussi. Mais je trouve qu'il n'y a pas besoin de la musique pour apprécier le truc au Ah, final, tout à hein. fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas le point central du truc. Et ouais, tout à fait. Il y a le dessin, moi je trouve peut-être que le design est un peu différent de ce qu'on a pu de l'animé. Bah c'est un josei, donc pour les femmes, c'est souvent assez pas moche mais spécial. Ouais, mais non, mais le dessin, moi je le trouve vraiment sympa. En tout cas, même le chara design Ouais, j'aime bien aussi. C'est pas et super beau. non, non, non, bah, je veux dire, c'est pas l'attaque des titans non plus, quoi. Oui, C'est pas le meilleur livre non plus, c'est pareil. c'est vrai. Mais voilà, le niveau des visages, les yeux, il y a plein de détails. On parlait un peu de ça sur Skate Dance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément énormément de détails, Ouais. et finalement, il n'y a pas forcément besoin de ces détails-là. Bah pour le type d'histoire. En plus, voilà, je trouve que ça correspond bien à l'histoire, Ouais. comme on disait au public à qui ça s'adresse, pardon. Et voilà, c'est une histoire d'amourette, on va dire, hein, qui Ah, tourne de autour lycéens. de lycéens, voilà, qui tourne autour de la musique, autour de l'art aussi, Oui. en général. Hein. C'est à lire. Alors, je conseille peut-être plutôt d'abord regarder l'animé, avant de peut-être attaquer Ouais. le manga, sachant que l'animé est plus dans le sens où l'animé est disponible gratuitement, autant regarder. Non, non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. Le Alors, ratasse. achetez pas les mangas, Ouais, les c'est ça. animés, C'est il est horrible. gratos. J'ai pas dit. Non, parce qu'en plus, il est disponible aussi en Blu-ray. Il est sorti en Blu-ray à la rentrée chez l'Ibex. Non, parce que moi, je les ai achetés. J'ai les tomes sous les yeux. Oui. Et c'est une. C'est au moins déjà peut-être regarder le premier épisode pour voir un peu à quoi ça correspond avant d'acheter le manga, quoi. Ou alors de regarder quelques pages. L'intérêt aussi, je trouve. Mais Oui, pardon, ouais, en fait, j'ai une question parce que vas-y. j'ai vu l'animé, j'ai beaucoup aimé grâce à la musique, l'histoire est sympathique, mais bon, enfin, voilà, c'est pas non plus, ça peut être pas trois pattes à un Ouais, canard, clairement. mais ouais, c'est surtout grâce à la musique et que j'ai beaucoup aimé cet animé. Comment c'est retranscrit dans le manga et comment ça fait pour ne pas perdre justement enfin la qualité de l'OST et tout, qui fait que c'est génial à suivre en animé. Bah, comme souvent dans les mangas qui ont un peu la musique en thème de fond, quoi, c'est l'effet de la musique, ça va surtout passer par le visage des personnages, leur réaction, comme ça que l'auteur retranscrit l'effet de la musique. Ou pour la batterie, par exemple, t'as les traits qui Ouais, montrent aussi. l'intensité. Les gouttes, tu vois, les gouttes de sueur aussi qui montrent un peu le mouvement du batteur qui peut jouer. Voilà. Notamment, ça passe aussi beaucoup par le visage, au niveau des réactions des personnages, de la façon dont ils sont concentrés sur l'instrument. Parce que forcément, tu joues pas de la même façon, tu réagis pas de la même façon. Quand tu joues de la batterie, quand tu fais du piano, quand tu fais de la contrebasse, c'est pas du tout la même chose, quoi. Après. Ouais, mais au final, les morceaux, tu les entends pas, donc tu peux t'imaginer un truc. Si tu connais pas la musique, tu peux t'imaginer un truc heavy metal, par exemple. Ou enfin, peut-être pas, parce que Non, non, mais il y a le mais contexte, hein, quand un même. truc un peu Alors, plus rock ou t'as deux enfin, choses. c'est. Ouais, vas-y. Excuse-moi, je te coupe. T'as deux choses, c'est-à-dire que comme disait Kurita, t'as le contexte, qui est quand même, dire, t'es dans les années 60, à une époque qui n'est pas toujours retranscrite, Non, pardon. c'est pas facile. retranscrite dans les mangas, je trouve. Parce que tu Oui, avais c'est vrai. ça, c'était dans le quartier lointain, tu avais ça aussi dans la colline de Coquelicot, Ouais. dans l'animé de dessin animé de Gorō Miyazaki, au studio Ghibli. Mais sinon, bah, chose intéressante, c'est qu'on cite les groupes sont cités. Je pense Ouais. notamment à Art Barclay et les And the Messenger. Qui passe, qu'on entend dans l'animé, justement. C'est aussi une façon, bah maintenant, à la limite, tu Et lances donc, YouTube. ouais, Ouais, c'est ça. c'est un peu à toi d'aller Ouais, chercher tu mets l'OST en fond tu et mets tu fais l'OST, ça. un Voilà. peu comme dans Skate Dance où il y a un chapitre là que t'écoutes avec Funny Bunny de Pylos. Ah, t'avais aussi l'alternative Spoil! T'avais aussi l'alternative Ouais. de. Oui, parce qu'on en parlera le mois prochain. Mais t'avais aussi l'alternative de Beck, le manga Beck, qui avait offert, Oui, aussi, ouais. dans un des derniers tomes, il avait offert une OST qui avait été. Un CD, Ah oui. oui. Qui avait été écrite spécialement pour le manga. D'ailleurs, qui avait été aussi. De ce manga-là, qui avait été aussi adapté en animé. Donc, on retrouvait ce côté musical que tu peux pas forcément avoir dans un livre. Hein. Mais ça, finalement, ça ne gêne pas dans l'appréciation du manga. Là, c'est pareil, on est un peu, on suit, on lit le manga, on va dire, avec plaisir, ça Mais permet de passer le temps, voilà, mais. de toute façon, c'est plus une histoire d'amour qu'une histoire de musique, hein, Voilà, donc exactement. Oui. c'est juste un prétexte pour Et rapprocher les du coup, persos. oui, c'est peut-être pas mal, comme tu le disais tout à l'heure, Romain, de commencer par l'animé et avoir Et sa musique faut avoir plus en l'ambiance tête, musicale dans la tête, exactement. voilà. L'ambiance musicale, Voilà. et au pire, après, tu puis en lances plus, c'est le. gratuit. Oui, bah non mais c'est clair qu'il faut en profiter parce qu'on sait que notamment d'Ibex, ils mettent les séries. Bon, bah, déjà c'est une très bonne initiative de leur part, ils mettent les séries gratuitement. Et t'as été voir récemment, ils y sont encore? Ils y sont encore, oui. Alors j'ai pas D'accord. été voir Ah bah cette ça c'est semaine, mais cool. ils y sont encore. Et tu as encore, on peut prendre l'exemple de Fullmetal Alchemist Brotherhood qui était en simulcast. D'ailleurs, qui avait été la première série diffusée par D-Bex sur Dailymotion. Donc cette série-là donc n'est plus visible sur cette page D-Bex, mais ils ont pas mal de séries. Ils ont Kids on the Slope, mais qui, à mon avis, risque de disparaître, sachant que le coffret DVD Blu-ray est disponible de la série complète est disponible aujourd'hui, quoi. D'accord. Et puis ben voilà, c'est une histoire à lire, ça change, je trouve, de ce qu'on peut avoir à nos dispositions en termes de manga. Et voilà, c'est une respiration bien agréable pour changer d'un Toriko où ça Ouais. tonne à tout va, ou d'un de l'Attaque des Titans, que comme on disait tout à l'heure, était assez oppressant, assez négatif, même s'il y a toujours des lueurs d'espoir, mais voilà. Kids on the Slope, c'est très intéressant, notamment pour s'intéresser au Ouais. contexte de l'époque. Et ça fait plaisir d'avoir des josseilles en France, parce que Oui. c'est pas un genre qu'on a beaucoup. Et juste, je voulais juste terminer là-dessus. Il y a des choses intéressantes, parce que donc, Kids on the Slope, c'est le manga, mais il y a aussi à la fin des tomes 2 et 3, il y a des histoires courtes Ah oui, c'est vrai, par l'auteur. par l'auteur elle-même. Donc, c'est plus des œuvres, même si le style ne change pas beaucoup, mais on sent que ça a été dessiné avant Kids on the Slope. Qui sont très intéressantes dans leur développement parce que ça fait quelques dizaines de pages, mais elles sont plutôt bien construites, plutôt bien mises en scène, mises en page, et ça permet de connaître un peu d'autres travails de Yuki Kodama, la mangaka de Kids on the Slope. Tout à fait. Tout simplement. Et ben, on va retourner dans la case, on quitte la case Josei, on va retourner dans la case Shonen Shonen, avec grosse baston. Belzébub, tome 14. Ah, je m'en souviens pas du tout. Mais en fait, c'est un tome de transition. Donc là, on voit, il retourne, donc la construction du lycée est finie, ou quasiment finie, et donc ils veulent retourner dans leur lycée tous ensemble là. Et puis bah en fait ça va pas être possible parce que y a les démons qui sont là et donc là c'est vraiment un tome de transition, c'est un nouvel arc qui commence qui annonce une phase d'entraînement et de la grosse baston qui tâche bien. Et en fait, voilà, il se passe pas énormément de choses dans ce tome. Il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de trucs très drôles. mais c'est pas un tome mémorable. Celui qui suit est beaucoup mieux et on en reparlera la prochaine fois. Je l'ai pas lu encore, donc. Voilà, donc on en reparlera la prochaine fois. Mais oui, c'est vraiment un tome de transition, début d'arc. Ça introduit les nouveaux ennemis, les nouvelles oui, les histoires, démons. Etc. Voilà. Après, ça reste Belzébub. Il y a, enfin, voilà, c'est un peu comme Toriko, quoi. C'est très efficace dans son genre. Ouais, il faut déjà aimer, quoi. Parce que voilà, c'est un poil plus inégal que Toriko. Oui, c'est vrai. Parfois, ça perd un peu. Ouais, il y a quelques passages un petit peu mollassons et ouais. Il y a où ça blablate beaucoup, mais quand ça se bat bien et puis ça. Ouais, enfin, c'est mieux en comédie qu'en truc de baston, quand même. Enfin, je trouve. Ah, moi j'aime bien la baston. Après, c'est ouais, c'est pas très... de la baston super non, profonde. Non, c'est pas réfléchi. Enfin, c'est vraiment. Tu vois, c'est qui tape le plus fort. C'est nous les plus forts. Ouais, c'est voilà. Nous qu'on tape. Il y a pas de technique et voilà. Tout. Si, après, il y a l'introduction de certains trucs. C'est des petits gimmicks, mais. Ouais. Mais c'est pas. Enfin, c'est plus. Ça, justement, ça apporte plus un côté drôle. Ouais, oui. Et puis, pour dire, voilà, il monte en puissance, quoi. Mais. Ouais. Mais en gros, oui, c'est très bien dans son côté comédie. C'est très bas du front dans son côté baston. Ouais. Mais, moi, je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça passe bien. Ouais, ça sait se lire, hein, franchement. Voilà. Mais là, le tome 14, ouais, c'est vraiment un truc de transition. Ouais, ouais. Pas grand chose à dire. Et vivement le tome 15. Très voilà. Bien. Parfait. Alors, on va passer maintenant. On continue dans le shonen. Avec. Alors, on va ouvrir la parenthèse JoJo's Bizarre Adventure. Et notamment avec Steel Ball Run 3, tome 3 et 4, et on verra après Stardust Crusader 5 et 6. Donc là encore, moi je m'étais arrêté au tome 1 de chacune des séries, donc j'ai pas été plus loin. Mais donc, pourquoi? Bah, conseillez-moi, dites-moi. On le dit à chaque fois. Envie de lire Steel Ball Run et Stardust Crusader. Alors, on va commencer avec Steel Ball Run. Bah, Kurita, je te sentais très, très intéressé d'un coup, si tu te rappelles de ce qui s'est passé. Je vais essayer de m'en rappeler. C'est le début de la nouvelle étape. Quel escroc. Mais non, pas du tout. Oui, le début de la nouvelle étape. Donc franchement, Steel Ball Run, c'est toujours aussi bon. Hein. De mieux en mieux, d'ailleurs, je trouve. Je sais pas ouais, toi, Tuntun. Ouais, c'est... Enfin, ils commencent à développer leur stand, donc... Ouais, donc, on rentre dans le côté vraiment combat. Jojo du manga. Et c'est super... Alors là, contrairement à Belzebub, là, c'est vraiment très, très intelligent dans les bastons, ouais. Quoi. Parfois, on est un peu perdu parce que il part un peu loin, l'auteur. Mais... Bah, et puis, c'est assez dur à suivre, des fois. Ouais, le dessin est assez fouillis, donc... Ça mériterait d'être plus gros, les tomes, hein, je trouve. Ouais. Parce que le format est vraiment petit. Tu veux dire plus gros, le format du manga, en fait. Hein. Parce que comparé à d'autres mangas, c'est... classique, quoi. C'est 9 chapitres de... Ça doit faire 19 pages, je crois. Non, mais je voulais dire la taille de l'objet. Tu veux... D'accord, le... C'est vrai qu'ils sont un peu plus petits que ce que ouais. Peut sortir... C'est Tonkam, hein, c'est ça? Que peut sortir ouais, Tonkam ouais. Chez, ouais. Sur d'autres séries. Et du coup, parfois, les dessins sont un peu compressés au maximum dans les cases, donc on voit pas trop ce qui se passe. Ouais, comme il y a beaucoup de détails en plus. Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Mais ça, c'est dur à suivre. Et encore, Steel Ball Run, ça passe vraiment bien par rapport à Stardust Crusader. C'était fait après, hein. Ah ouais. Bah, oui, ça a 10-15 ans d'écart, ouais. Forcément. Mais non, oui, c'est Steel Ball Run, le dessin, enfin, j'aime beaucoup le design. Ouais, enfin, le design, après, le base. C'est vrai que dans l'exécution, enfin, dans l'action, c'est en plus, il y a c'est les poses d'Araki, toujours qui un peu aucun bizarre. Sens, il y a enfin, des objets qui rentrent dans les corps et tout. Ouais. Tu te demandes, enfin, c'est vraiment très spécial. Hein, c'est. Parfois, faut aimer un peu le BDSM. Quoi. Ouais, faut regarder une page pendant 5 minutes pour comprendre ce qui se passe afin de passer à la suivante. Hein, là-dessus, vous me donnez envie de continuer en tout cas. Le BDSM. Non, mais bah, sinon, après, voilà, tome 3 et 4, donc c'est le début d'une nouvelle étape. Il y a les pouvoirs qui se développent encore. Ouais, mais... ouais. Et comment dire, il y a des nouvelles au niveau du scénario, il y a de nouvelles branches encore qui se créent. Ouais. On en apprend beaucoup plus, notamment sur Gyro. Sur Gyro, ouais. Le perso principal. Voilà. Enfin, pas vraiment. Oui, enfin, s'il est en Il duo est, avec. c'est celui qui est mis en avant, mais Et voilà. le principal, ça reste Jojo, quoi. Même s'il est pas super important, Jojo. Enfin, pour le moment. Pour l'instant, Ouais. mais déjà, on voit une évolution Oui, c'est vrai. par rapport à ça Elle reçoit son au pouvoir, cours du enfin. tome 3 et 4. Voilà, il reçoit son pouvoir et. Il fait tourner ses ongles. Super. C'est vrai que c'est assez étonnant. J'ai toujours pas compris l'intérêt, mais. Mais bah, je sais pas, t'as lu le tome 5? Non, pas encore, alors. Bah, tu vas le comprendre l'intérêt, Ok. mais. D'ailleurs, le tome 5, très belle couverture. Ouais, très. Une On en bromance. parlera le mois prochain. Très gay friendly. Mais Comme le déjà, 4, la 4, ouais, elle est pas hein. mal. C'est. En off tout à l'heure, on parlait Kurita des bromances dans les mangas. Là, c'en est une très très belle. Et Et donc ça doit te donner envie normalement. voilà, c'est clair. Là, t'achètes. Et non, bah voilà, Jojo, C'est Jojo. c'est Jojo, c'est difficile à écrire. C'est un style déjà. Enfin, Ouais. ça a inspiré. On peut en parler plus sur Stardust Crusaders, Oui. mais enfin, une très grande partie des codes du manga se retrouvent, enfin viennent de Stardust Crusaders et se retrouvent dans Steel Ball Run. Et c'est vraiment très très intelligent dans la construction des combats avec les stands, etc. C'est vraiment très intelligent et très réfléchi la façon Qu'on passe à dont c'est Stardust. fait. Et on peut passer à Stardust. Ouais. Allez-y, je vous écoute. Bah. Non, On attendait. bah vas-y, Kurita. Bah Stardust, c'est un La peu patate toujours. chaude. Stardust Crusader, c'est un petit bémol, je trouve. C'est toujours la même formule. Un nouveau chapitre égale un nouvel ennemi, quoi. Moi, Je c'est ça que passe. j'aime bien. Oui, c'est bien, mais du coup, il n'y a pas vraiment d'interaction entre les persos. Par moins de développement en plus de la baston, je trouve. Ouais, je sais pas. C'est vrai que bah, les persos, ouais, ils ont pas. Enfin, si, ils ont un peu de background Ouais, mais. comme Paul Naref avec sa sœur ou des choses comme ça. Oui, mais à part Paul ça, Naref, genre. déjà, tu sais, t'as aucune Ouais, crédibilité. mais évidemment, il est français. Mais voilà. Mais genre, Évidemment, il Kakyoin et ressemble à tout. rien. Kakyoin, toujours, Ouais, c'est un peu c'est vrai qu'il rien. est un peu fade. Ouais. Même Mais. Jotaro, hein, franchement. Bah, Jotaro, c'est le personnage un peu mystérieux, un Ouais, peu. mais. On sait pas. Enfin, Il se fait chier, quoi, en fait, c'est c'est très ça. trouble, en fait. Ouais, c'est vrai qu'il paraît très suffisant. Ouais. Enfin, c'est pas il paraît, c'est qu'il est très Il est très suffisant. suffisant. Il envoie chier tout le Et. monde. D'ailleurs, j'ai lu le tome 9, là, Chut, hier. faut pas le dire. Voilà, je dis rien, on en parlera plus tard, mais j'ai l'impression de passer mon temps à dire on en parlera plus Ouais, tard. c'est ça. Lequel tome? Le tome 9? Ouais. Ouais, Parce non, mais que alors, ça sort parce que tout le là, temps, en fait. c'est un peu mon goal. J'ai vu au mois de novembre, Y a deux tomes qui il y sortent a en deux deux tomes semaines. qui sortent en 2 semaines. Ah ouais, d'accord. Ils ont fait Ça le même devient. coup mois d'août, mois de septembre. C'est deux semaines, Ouais, deux tomes. ouais. Ils sont en mode on s'en débarrasse ou Bah, c'est. à mon avis, ouais, enfin, ils essayent. Là, en ce moment, on parle pas mal de. Enfin, Jojo fait un peu de bruit, ils sont dans Ouais. les ventes et tout. Donc, je pense que déjà, Stardust, c'est une partie assez courte, donc ils peuvent le rusher. Ouais. Et puis, en plus, c'est vrai que bah, ils battent le fer tant qu'il est chaud, quoi. Mais c'est. Enfin, je trouve ça bizarre la manière dont ils font. Là, au final, ce qu'ils veulent faire, c'est une sortie par mois. Mais en fait, ils font des. Enfin, c'est pas régulier, quoi. C'est un peu. Ouais. Ça fait un peu yo-yo et Et du c'est coup, on sait assez plus ce qu'on bizarre. a ou ce qu'on n'a pas, donc on achète Ouais. à chaque fois. Ouais, je m'y suis fait avoir. J'ai C'est un acheté le piège, hein. tome 9 sans avoir acheté le Moi tome aussi. 8. C'est assez bizarre. Mais sinon, non. Bah, ouais, enfin, c'est vrai que dans la construction, c'est très. On a 4-5 chapitres qui sont dédiés Ouais, à un stand et demi. ça. Et puis hop, on passe au suivant et les transitions sont très courtes. Ouais, c'est. Ils prennent un nouveau véhicule, ils se crashent, un nouvel ennemi. Véhicule, ils se crashent, un nouvel ennemi. C'est Même eux, ça. ils disent ça dans le manga, ils disent. Ah, dès qu'on prend un véhicule, on va se crasher, les mecs, arrêtez. Il n'y a pas un moment où le véhicule c'est ennemi, non? Ah, bah si. Bah C'était si, avant, on si. l'a déjà vu, ouais. On l'a déjà vu, ouais. Oh, On c'est l'a bon déjà vu. C'était alors. dans le deuxième Ouais, tome, je un crois. paquebot contrôlé par un singe. Un Voilà. orang-outan. Un orang-outan, pardon. Qui fumait le cigare. Non, mais c'est les persos sont extraordinaires, Ouais, quoi. c'est toujours Les délirant, quoi. ennemis et tout. Ça l'est en tout cas. Puis Hein. toujours, c'est très construit, C'est très mis en scène et C'est super voilà, quand dramatique, ouais, cheesy. c'est trop fort, c'est Très génial. années 80, quoi. Ouais. Ah bah là, 90 oui, d'ailleurs. si je me Au niveau rappelle. dessin à fond, quoi. Ah oui, c'est. Stardust Crusader, oui, ça, on sent quand même qu'il y a un vrai gap entre les deux, quoi. Hein. Ouais, Par rapport à oui. Symbol Run. Mais encore, Stardust était tellement en avance sur son temps au niveau dessin. Ah, c'est vrai. Ah, par contre, ouais, le C'est. dessin reste beau, attention, mais tu Ah même sens 20 ans après. mais tu sens Mais qu'il y a quand même, il est quand même très typé années 90, quoi. c'est clair. Et puis même au niveau du. C'est vrai que le format lui rend pas hommage, mais au niveau du découpage et tout, il y a beaucoup de petites cases où Ouais. il se passe énorme. Enfin, voilà, tout est très découpé. Quand il y a une jambe d'arraché ou un Ouais. truc comme ça, Ouais. c'est découpé en plein de petites cases. Et c'est vrai que Pas c'est la très très jambe. mis en scène en fait. Et non, c'est vrai que bah voilà, c'est Jojo, faut le lire pour Pour le vraiment croire, rentrer pour le croire. dedans, pour le croire. C'est Et clair qu'un orang-outan sur un paquebot qui fume le cigare, j'avoue que. C'est pas si atypique dans un shonen. C'est vrai, on voit pire. Mais disons que. Comment dire. Ouais, c'est très punk en fait. Jojo, faut le lire et. Enfin. Je comprends les gens qui accrochent pas Oui, parce c'est que c'est vraiment particulier. très très spécial. Mais en même temps, c'est vraiment un pan énorme de l'histoire du shonen. Et c'est difficile de passer à côté. Enfin, en tout cas, quand on lit surtout Stardust Crusaders et qu'on le replace dans son contexte, c'est une baffe énorme, quoi. C'est Ceci, vraiment un monument. ceci une façon de pousser le manga pour être sûr d'avoir la suite, quoi. Oui, bah, je pense que enfin, il n'y a rien d'annoncé encore, mais une fois que Stardust sera fini, ils vont enchaîner. Je pense qu'ils vont repartir sur la première partie. Ouais, je pense, ouais. Enfin, les deux premières parties qui sont très courtes. Et après, certainement, Steel Ball Run sera fini. Ils vont enchaîner avec Jojo Lion, Il la faudrait la huitième partie 4 partie. aussi. La partie Et 4 qu'on n'a après, jamais eue en voilà, il y a France. Diamond is C'est Unbreakable. la seule qui manque en France. Et qui est une très très bonne partie aussi. Ah, je te crois. J'ai pas tout lu, mais voilà, c'est excellent. Mais de toute façon, je pense qu'ils sont partis. Enfin, Jojo, ça se vend à son public, enfin un public de niche. Ouais. Voilà, il tourne autour de 3000 exemplaires vendus, il me semble. Et je pense qu'ils rentrent dans leurs frais. J'espère pour eux. Bah, J'espère, c'est plutôt pas j'espère mal pour nous aussi. quand tu dis les chiffres par rapport au tirage, parce que je suis pas sûr qu'ils aient un tirage très très élevé sur. Ah non, ils sont quasiment au niveau. Enfin, je pense qu'ils sont. Ils ont très peu de retours, en fait. Je pense. Oui, c'est ce que j'avais dit, oui. Parce que ça doit se vendre quasiment à capacité maximale, quoi. Enfin, quand même, Enfin. il gagnera à le marketer un peu plus aux gens qui sont pas familiers avec Jojo. Ça serait le Bah, meilleur truc à à mon faire. avis, ça sera Disons tard, qu'il en tout faudrait cas, que, pour à ces mon avis, parties-là. enfin, ce qu'il faut, c'est que l'anime arrive vite en France, quoi. Ouais, c'est ça aussi. Je sais pas, je sais, pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé, Non. mais je trouve ça étonnant qu'il n'y ait encore personne, surtout que l'année prochaine, bon, il y a le jeu qui a été annoncé Ouais, en pour Europe. l'année prochaine, donc ça m'étonnerait pas qu'il fasse un coup en sortant l'anime en même temps et que y a enfin que Tonkam profite à ce moment-là d'un coup marketing pour essayer d'augmenter les ventes quoi mais Enfin, pour finir sur Jojo, faut pas oublier qu'il y a déjà les OAV qui ont été édités en France chez. Ah, mais ça remonte, hein. Ça remonte, hein, oui, je sais ouais bien, ça mais remonte c'est toujours disponible, je pense. bah, les jeux aussi je crois avaient été édités Oui, sur sur Dreamcast. Dreamcast et PS1. Ouais. Les deux consoles avaient eu le droit à la. Au jeu d'arcade. Au jeu d'arcade, tout à fait. Bah, la Dreamcast, de toute façon, on en reparlera dans un prochain podcast. Attention, teasing. Waouh. C'est un peu la console Dans des deux jeux ans. d'arcade. C'est planifié, voilà. On ne donne pas de date, mais c'est planifié. On sait que ça va se faire. On sait pas quand, mais on sait que ça va se faire. On est comme Valve et Blizzard. On dit des trucs, mais ça arrive jamais. Quand ça sera prêt. Voilà, c'est ça. Voilà. Quand on sera content de ce qu'on fait. Voilà, enfin bref, oui, donc là, je disais, donc la console, la Dreamcast C'est une console avec énormément de jeux de baston, et notamment le JoJo avec le. On retrouvait le système des stands qui accompagnait les personnages au combat. Tout Le ça. jeu qui était basé sur Stardust Crusaders. En plus, ben, Voilà, j'apprends on quelque reste dans le chose thème. des sorties de ces 4 mois, de ces 4 derniers mois. Ben, j'imagine une émission culturelle qui, une fois tous les 4 mois, ce serait l'attente serait terrible quand même. On va passer à la suite, on va passer à Tu vas Billy pouvoir parler. Bat tome 7, oui. Et je vais pouvoir te mute, Ouais. Kurida. Ben, Billy Bat tome 7, c'est un peu le tome, un des tournants, un des premiers tournants en tout cas importants de cette de Billy Bat, où l'histoire du manga rejoint l'histoire réelle, puisque c'est le, je pense qu'on peut le dire, Tonton, hein, c'est le Bah, tu prends tome où. tes responsabilités, Bah, je prends la responsabilité, hein. c'est le tome de l'assassinat de JFK. Oh, spoil. JFK. JFK, pardon. John Fitzgerald Kennedy, donc spoil de 40 ans quand même, même Ouais. plus. 50 ans, presque. Cours d'histoire. exact. Et voilà, donc c'est. Non, c'est un tome toujours. Ben, de toute façon, moi j'aime beaucoup déjà ben, souvent le dessin, forcément, c'est un des. Une des premières choses qui va accrocher à l'œil, donc le dessin de Razawa est quand même très très très très bien, très très beau. Même que ce soit la partie Chuckle King ou Kevin Yamagata, donc pour les deux versions différentes de Billy Bat en version comics. Et voilà, on retrouve les personnages, des personnages qu'on avait déjà vus avant. On retrouve notamment le lapin, alors comment il s'appelle déjà? Oswald. Oswald, merci. Comme l'assassin. Comme l'assassin, qui s'appelle Oswald aussi, et qui est très C'est très. bien foutu, hein. C'est ouais, Ouais. c'est vraiment. Non mais c'est. Ouais. C'est Ouais, je te. vraiment. Vas-y, Je continue. finis juste mon mot sur Oswald, non, parce que je crois qu'on l'avait déjà dit sur le tome précédent, le tome 6, Ouais. mais on retrouve vraiment la tête. La tête, vraiment, c'est un copier-coller, un dessin, un Un copier-dessin, on va portrait. dire, voilà, exactement le même que l'assassin présumé de John Fitzgerald Kennedy. Donc moi c'est vraiment un très très bon tome qui annonce la suite, même si on le verra après, comme on l'a assez souvent dit aujourd'hui. Dans le tome 8, il y a des nouvelles pistes qui se lancent. C'est un peu la fin, Ouais, le tome c'est bah 7. c'est ouais la, le tome 7, c'est la fin du prologue, on va dire. Enfin, je sais pas si c'est le prologue, mais de l'arc qui a commencé au tome 1, et le tome 8, c'est le début d'un nouvel. La nouvelle arc, voilà. Et donc c'est voilà, toujours une bonne chose, une excellente, ben un excellent manga. De toute façon, avec Urasawa, on a pu être déçu, mais pour le coup, il arrive à bien tenir son manga, son dessin, son histoire aussi, parce qu'on sent encore que c'est une histoire à tiroir qui va nous emmener très loin. Que ce soit dans le temps, que ce soit dans l'espace aussi, donc il y a quand même pas mal de choses à voir là-dessus. D'autres choses à dire dessus, tout ou pas? Ben, moi j'aime vraiment beaucoup sa façon de réécrire l'histoire et de d'utiliser les éléments qu'on connaît, parce qu'il y a il y a pas que il y a pas que Lee Oswald qui est repris, c'est toute l'histoire de l'assassinat de JFK et son ensemble après l'assassinat d'Oswald. Enfin, il y a beaucoup beaucoup de choses qui s'approprie et qui l'utilise dans ce volume pour lui réécrire sa propre histoire. Et c'est vraiment excellent. On jongle entre les différents personnages, donc Kevin Yamagata, une famille qu'il a rencontrée plus tôt, qu'on retrouvait de tomes précédents. Enfin, tout se recoupe et crée de nouvelles pistes. C'est tentaculaire, mais ça se lit parfaitement et on sent vraiment. Enfin, moi en tout cas, j'ai l'impression que Urasawa sait parfaitement où il va. Et c'est pas juste, bah tiens, j'ai mis ces personnages-là au tome 2, bah je vais les réutiliser dans le tome 7 parce que c'est cool. Non, c'est vraiment, il sait exactement ce qu'il fait. Ouais, il est obligé, hein. Quand tu Bah, vois là, de toute l'intrigue, façon, il est oui. obligé. Mais ouais, la façon dont il le fait en reprenant les faits réels et voilà, tout ce qui. Enfin, il arrive à nous faire croire que bah, c'est peut-être la vraie histoire qui s'est passée, quoi. Bon, j'exagère un peu, mais... T'es naïf, mais, hein, quand même. Bah, je lis des mangas, hein, tu sais. Ouais. Des mangas. Des mangas. Avec des orang-outans qui conduisent des bateaux, hein. Qui sont le bateau. Ouais, c'est ça. C'est... Mais non, c'est... Enfin, ouais, j'aime beaucoup ce côté-là de l'histoire d'Urasawa. Et vraiment, tu sens qu'il aime beaucoup la... En tout cas, ça transpire de la passion de la culture américaine de l'époque, en fait. Ouais, et puis son découpage est super cinématographique et bah, ça rend la lecture super agréable, en fait, quoi. Bah, comme l'était d'ailleurs comme l'était Monster. Hein. Oui, exactement. En plus, quand tu vois Monster... C'est ce qu'il essaye de faire depuis longtemps. Et quand tu vois la version animée de Monster, c'est... Alors là, pour le coup, les mecs se sont dit, bah attends, on a le manga c'est un vrai storyboard, bah, on va se servir du storyboard pour l'adapter en animé, hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Et c'est vrai que son découpage sont très très très bons. Et d'ailleurs, on aura l'occasion de reparler du Urasawa un peu plus tard dans l'émission, concernant un autre manga. Voilà. Concernant Master Keaton, on peut même déjà le dire. Tu peux le dire. Et il y a même un autre. Happy. Oui, exact. Oh, non, j'avais oublié, parce que tu l'avais effacé parmi tous ceux que t'avais effacé. Non, là, c'est le dernier tome de la série. Je peux pas y couper. Alors, on va passer du Urasawa à Tsukasa Ojo. On va passer donc non pas à City Hunter, mais à Sous un rayon de soleil. Donc, édité par Kiun dans une... comment on peut dire, une mini-collection des œuvres de jeunesse. C'est ça, ouais. Bah, c'est les trésors de Tsukasa Ojo. Voilà. Trésor de Tsukasa Ojo, donc alors ce sont des mangas qui avaient été édités à l'époque par Tonka, mais il y a de ça très très longtemps, donc ils sont introuvables aujourd'hui ou à des prix je pense exorbitants. Et donc Kiyun a eu la très bonne idée, la très bonne initiative de les ressortir. Donc ça a commencé avec notamment Sous un rayon de soleil, tome 1. Donc c'est un manga qui va tenir sur 3 tomes. Et qui va s'intéresser en fait à la relation qu'a une jeune fille du nom de Sarah, de pouvoir cette relation qu'elle a avec les végétaux, parce qu'elle a la possibilité de communiquer avec eux. Donc comme ça paraît un peu bateau, mais finalement chaque chapitre en fait montre notamment dans des situations différentes par rapport notamment aux relations qu'elle peut avoir vis-à-vis de ses camarades de classe. Et c'est une œuvre assez voilà qui ça va pas non plus très loin en termes d'enjeu, mais c'est très agréable et très sympathique à lire, hein. Surtout dans une édition qui met vraiment très en valeur le manga, que ce soit par rapport au papier utilisé, par rapport à la couverture vraiment agréable. Ben, y a une vraie prise en main qui est intéressante, et la couleur aussi qui est très très bien pensée. Même si ça a été rajouté après coup, mais franchement, les premières pages sont très agréables à regarder. Et on retrouve un peu, d'ailleurs, on retrouve un peu la même colorisation qu'avait connue City Hunter dans son édition de luxe éditée à l'époque chez Panini Comics. Donc voilà, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Tuntun? Bah, j'ai beaucoup aimé l'histoire, enfin le. Voilà le contexte, on va dire, avec ces trois personnages qu'on va suivre tout au long de ce tome 1. J'ai aussi beaucoup, enfin c'est vraiment le truc qui m'a le plus envoûté dans ce tome, c'est le dessin de Ojo, qui est magnifique, et c'est vraiment exceptionnel. Comment il a les visages, comment il arrive à les retranscrire. Il y a un très très gros travail sur les ombres qui donne beaucoup de volume et beaucoup de comment dire, beaucoup de réalisme à ses dessins, quoi. Question. Ouais. C'est sorti après City Hunter, ça? C'est avant. T'es sûr? J'ai un doute. Je mettrai vérification. Google. Je vois 93. C'est peut-être en même temps. 80, ouais, 93, c'est ça. Bah, City Hunter, c'était avant. D'accord. Ouais, c'était dans les années 80. Pour moi, alors. D'accord. Par contre, c'est avant Angel Heart, qui est la suite de City Hunter. City Hunter. Ok. Mais oui, donc bah voilà, c'est vraiment très très très beau. Comme je disais, il y a un très gros travail sur les ombres. La mise en couleur est vraiment excellente et je pense notamment il y a une page où on voit l'énorme travail sur les visages. Alors, je sais plus, c'est la tête du père qui ressemble beaucoup à Mammouth d'ailleurs. J'aime bien le rappeler à chaque fois. Et voilà, la mise en couleur du visage, il est en train de sourire et c'est bluffant de voir un dessin d'une telle qualité, quoi. Techniquement, c'est remarquable. Mais c'est constant surtout. Et c'est constant, oui, tout à fait. Et puis bah voilà, l'histoire, c'est vraiment très frais et ça nous, enfin c'est pas ça, c'est pareil, ça casse pas des briques, mais c'est frais, ça se lit très bien. Et puis c'est un peu fleur bleue, voilà, c'est mignon. T'as un vrai rapport à la nature dans ce bah, dans cette histoire hein, dans ce premier tome, mais je pense que derrière ça va continuer sur la même chose, et c'est ouais, c'est très très très intéressant, puis ça permet de voir aussi autre chose que City Hunter quoi, ou Angel Heart Ou Family Compo. bah, ouais, Family Compost, je trouve que ça se rapproche plus de Sous un rayon de soleil que de City Hunter hein. Donc, je veux dire, Oui, ou c'est même sûr, ou c'est Cat's Eyes, sûr. tu veux, ou Cat's Eyes, pareil, tu vois, Oui. tu mets City Hunter et Cat's Eyes, on peut les mettre ensemble. Mais pour le coup, voilà, c'est agréable aussi de découvrir en plus avec le dessin qu'il a, qui est très très joli, Ouais. qui Et par s'apparente. contre, Oui. on un peu à la manière de Cat's Eyes, on voit la façon dont il dessine les femmes, il les dessine très bien. Les Tout à visages, fait. ils sont magnifiques, quoi. Quand il y a certaines pages où t'as, donc, le dessin prend toute la page. Et c'est je pense à une par exemple où c'est le visage d'un personnage féminin dans le volume. Et c'est magnifique quoi son dessin. Enfin, je reviens surtout là-dessus parce que c'est vraiment ça qui m'a bluffé. Puis bah il y a tout le contexte avec les fleurs, etc. La nature qui fait que enfin ça donne une autre dimension aussi à son dessin, quoi. Surtout qu'on parle des personnages, mais aussi les cases sont loin d'être vides. Hein. Il y a du décor, c'est très fourni. Il y a vraiment c'est vraiment très très joli, quoi. Et puis c'est vrai que je trouve qu'il a un style qui se rapproche. Alors là, c'est pareil. Je trouve que le dessin n'est pas forcément. Bah, c'est général. Hein. C'est pas forcément. Bah, c'est du manga, mais tu vois, c'est des proportions normales, quoi. Il a pas. C'est pas des yeux exorbités qui prennent la moitié du visage. Je trouve Non, c'est oui, bah c'est Il y très a un réaliste hein, rythme, dans ouais, un son. réalisme qui est très très agréable à voir, et voilà, c'est pas non plus, parce qu'on parle réalisme, mais c'est pas non plus ennuyeux, quoi. Ah non, ça Il y a quand reste même de très la. frais Voilà, tout à dans fait. l'approche, quoi. Exactement. Et comme je disais, la couleur est vraiment bien utilisée Ouais. sur les pages sélectionnées, quoi. Donc une très bonne surprise, et puis on remercie encore Kiyun d'avoir édité donc il y a Sous un rayon de soleil, et tu nous parleras juste après de la mélodie de Zeni qui fait partie de ces Des des trésors. trésors de Tsukasa et qui sont été présentés par Kiyone. Ben, on va pouvoir redonner la parole à Kurita enfin. Oh non! On va le démuter et il se souvient plus du tome. Voilà. Si, je m'en souviens Est-ce là. que tu... Quel numéro? C'est quel numéro? Numéro 3. Ouais. Alors Sous mes yeux. chez Follow, tome 3, chez Pika Édition. Ouais, tout à fait. Alors, c'est toujours. Ça parle toujours de Kaluta, donc ce jeu de cartes traditionnel japonais. Dans ce tome-là, on assiste enfin à la création du club de Kaluta par Chihaya. C'est moi, je parle japonais. Content. Et ça part un peu dans un délire shonen sportif, on peut dire, parce que on commence à arriver dans les tournois de cartes et tout. Du coup, ça devient assez classique. C'est pas très attendu dans un shoujo ou un josei. C'est vraiment toujours aussi bien, je trouve. Je sais pas toi, Tuntun, si tu l'as lu. Ah ouais, je Ouais. l'ai lu et c'est très très sympa. Et je commence à me faire au code du shojo, au code graphique du Ouais. shojo. Du coup, ça passe un peu mieux. Mais c'est vrai qu'il y a ce mélange un peu shojo-shonen qui est assez intéressant et qui rend le manga vraiment palpitant, quoi. Mais encore. Bah, Qu'est-ce mais encore. qui vous a plu dans ce tome 3 Bah, on vient de te le dire. Non, et puis il y a le personnage de Chihaya qui est génial, quoi. C'est tout tourne autour d'elle et c'est Enfin, c'est un personnage, bah ouais, il est, elle est géniale et ça donne envie toujours de lire la suite de ses aventures, quoi. C'est un manga positif, tu vois. Ça donne la Ouais. pêche. Ouais, Là, c'est vrai, en plus. non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est plein de bons sentiments et tout, mais ça fait plaisir quand même. Et ça passe très bien. Ah oui. Même si, y a le côté un peu avec, enfin, ça contraste, comment dire, ce personnage dont j'ai oublié le nom. Ça. Leur ancien copain de Arata. Kirigata, voilà, qui est un peu qui est le truc un peu moins, enfin pas positif, mais Oui, mais... qui est un peu le côté drama du truc, quoi. Bah oui, il faut bien, hein. Il faut bien, mais justement je trouve que ça donne de la profondeur à l'histoire et c'est très bien fait. L'auteur n'en fait pas trop là-dessus et il Mais c'est pas y a super dramatique à chaque fois. Non, mais c'est voilà, c'est ça change un peu. Enfin, c'est ça, ouais, voilà, ça donne un peu de profondeur à l'histoire. Et puis voilà, non, c'est très bien. C'est un bon tome. Bah, très bien, puisque tu as la parole, Tuntun, je vais te la laisser. Tu as gardé longtemps en plus, hein. Mince. Ah non. Ça pense que Ah tu vois, je putain, je vois peux, la liste des tomes qui arrive. C'est vrai que. comme c'est moi qui hausse, limite, je peux faire passer sécurité devant et on n'entendra plus de la fin. Hein. Oh, c'est méchant. C'est pas méchant, ça, quand même. Hein. Donc, tu vas nous parler, on parlait tout à l'heure de Sous un rayon de soleil, donc de Tsukasa Ojo. Bah, maintenant, tu vas nous parler de la mélodie de Jenny. Ouais, C'est la mélodie de un one Ginny shot, hein, c'est ça? qui est un one shot. En fait, c'est un recueil de trois petites histoires complètement différentes, mais qu'ont pour trait commun la Seconde Guerre mondiale, en fait. Donc au Japon et voilà, trois histoires assez différentes, assez inégales, on va dire. Parce qu'il y en a, surtout une, donc la mélodie de Jenny, qui est éponyme. C'est la plus importante, et c'est la plus intéressante, parce que voilà, enfin, c'est pas pro-japonais, parce qu'il y a, dedans, il y a le point de vue comment dire, d'un expatrié américain qui a été fait prisonnier. Et c'est, comment dire, ouais, c'est intéressant parce que c'est pas que le point de vue japonais, il y a aussi ce côté-là un peu, enfin, très militariste du Japon à l'époque côté un peu dictature avec les prisonniers, la torture, etc. C'est pas, comment dire, c'est pas non plus totalement, c'est pas dur comme histoire, parce qu'il y a il y a un côté, donc en fait c'est un prisonnier, dans la mélodie de Jenny, c'est un prisonnier américain qui s'enfuit, en fait, et qui se retrouve avec des enfants qui ont fui un orphelinat dans lequel ils étaient. Enfin, c'est pas vraiment un orphelinat, mais c'est que pendant la guerre, les enfants étaient envoyés à la campagne dans des espèces de centres, loin des villes et loin des parents, pour échapper au bombardement, pardon. Et en fait, il y a un groupe d'enfants qui s'échappent et ils croisent ce prisonnier. Et en fait, on voit toute l'évolution des rapports entre les deux, parce que forcément, les enfants, on leur a appris à se méfier justement des Américains. Voilà, c'est un expatrié, il s'est enfui d'un camp de prisonniers et tout, donc ils se méfient, mais en même temps, ils ont besoin de lui parce que ils veulent retrouver leurs parents, retourner à la ville et qu'il peut les aider. Et lui, il se méfie pas trop d'eux, mais comment dire, bah forcément il y a des rapports qui sont compliqués, quoi. Et donc on voit toute l'évolution de ces rapports jusqu'à un final assez dramatique. Et c'est vraiment pas mal foutu. Et puis bah après les deux autres histoires, c'est une basée sur le baseball et l'autre avec les héros, donc les avions de chasse japonais, Japonais. dont les kamikazes se sont servis Pendant la pour Seconde Guerre certaines mondiale, attaques. tout à fait. Voilà. Et donc ça raconte l'histoire de ces kamikazes. C'est plus court, C'est assez intéressant, mais c'est pas non plus extraordinaire. Ça, enfin voilà, celle sur le baseball, c'est un japonais qui va faire du baseball, faire des essais aux États-Unis. Enfin non, qui va avec son équipe faire une tournée aux États-Unis et qui se fait repérer là-bas. Donc c'est pareil, c'est encore sur les rapports américains-japonais. Qui sont difficiles, quoi. Et donc voilà, sur tout ce côté humain. Et puis l'histoire sur les kamikazes, c'est un jeune garçon qui est enrôlé, en fait, enfin qui rentre dans l'armée et qui devient pilote de chasse et qui est affecté à une mission kamikaze. Et donc voilà, il y a Et il meurt. toute cette histoire. On sait pas, Ah, je sais peut-être pas. pas. Ah, Mais oh. faut lire, non Suspense. mais voilà, c'est très axé, ces trois histoires sont très axées sur le côté humain, les relations entre les Japonais et les Américains, et puis entre, bah, pour l'histoire sur les kamikazes, entre un père et son fils, et ses fils, pardon. Et voilà, c'est de toute façon toujours très très beau. De toute façon, c'est au jeu, donc voilà. Et bah après, au niveau des histoires, c'est assez inégal. Disons que la mélodie de Jenny ressort vraiment clairement par rapport aux deux autres. Je sais pas, je pense que c'est sympa à lire, mais après, est-ce que ça vaut tout à fait l'achat? Ça coûte combien? Ils doivent être un peu plus ça doit être 7,50, je crois. Oui, je crois, ou 8-10, je crois avoir C'est souvenir. KN25 le code prix. Donc C'est après, bah, ça. tu vois. Donne les codes carrément. Référez-vous au code. Ouais, si vous avez votre grille de code pour chaque Je l'ai toujours sous éditeur, les yeux, évidemment. Toujours. je l'apprends par cœur. Non, mais oui, ça doit être 7,50, c'est chez Kiun, donc c'est C'est dans autour de ces ça, ouais. eaux-là. Tout à fait. Et bah, l'édition après, elle est nickel, c'est comme. Ah, chez Kiun, souvent, c'est bon. Ouais, c'est très bon. Et puis là, ils ont vraiment fait au niveau de la couverture, elle est superbe. Au niveau du toucher, c'est un peu granuleux. Enfin, c'est comme comme sous un rayon de soleil. sous un rayon de soleil, Tout à fait. qui est très très. Enfin voilà, l'édition est nickel. Et bah, la mélodie de Jenny, je le recommanderais peut-être un peu moins que sous un rayon de soleil quand même. C'est enfin voilà, faut savoir où on met les pieds. Ouais, si y a le choix si on n'a pas forcément le choix entre les deux, autant en prendre sous un rayon de Ah soleil. oui, clairement, Très bien. clairement. Après, il y a le côté Seconde Guerre mondiale qui peut attirer certains et qui retranscrit bien aussi. Voilà, comme je disais, pas que le côté japonais, mais un peu, comment dire, c'est pas manichéen, quoi. D'accord, très bien. Bah, puisque tu as la parole, je vais te laisser Zut. un dernier. À qui la faute, j'ai envie de dire. Hein. Bah, c'est de la vôtre. Alors, Vous achetez pas les mangas comme moi. tu veux faire Si, on tu veux l'achète faire en fait. le dernier tome d'une série ou les deux premiers tomes d'une série? Je te laisse le choix. Hein, j'ai pas compris. Alors, soit Ah oui, tu. d'accord. Ok. Soit. C'est bien préparé ce podcast, C'est hein. clair. Surtout les réponses sont très, très spontanées. Ouais, t'as vu. Qu'est-ce que. Non, mais moi j'étais parti là, j'ai récupéré Belblatt, Ah donc. ben, parlons du Bell Blatt qui n'est absolument pas la fin de la série. Tome Non, 13. non, c'est le dernier tome. Et Sorti. vu que le prochain, on sait pas trop quand est-ce qu'il va sortir. Ah, donc on peut même plus le considérer comme ça alors. Donc, ouais, non, bah, Belblatt, depuis que ça a repris, depuis la pause de 2 ans de l'auteur, c'est pas terrible. Au niveau du scénario, ça patine un peu, il se passe pas, enfin, ce qui se passe, c'est pas très intéressant et Ça me tout. rappelle, ça me rappelle, mais ça me rappelle Berserk. Ben, c'est bizarre, hein, c'est un peu ça. C'est ouf, hein? Ouais, mais non, mais là, avec le tome 13, ça remonte, en fait, un peu. Il Et se ça passe redescend. des. Et Et ça non, remonte. non, ça va, mais y a juste un peu de. Il y a des scènes qui servent un peu à rien, ou des trucs fanservice avec des meufs à poil, des partouches géantes et tout. C'était déjà le cas dans le tome 0, hein? Bon, c'est le cas dans tous les tomes, hein, Voilà, là, le, enfin, ce qui est dans les premiers tomes, ce qui faisait relativiser ces scènes-là, c'est que le scénario était vraiment très très bon. Et là, depuis la reprise, c'est pas terrible. Mais là, voilà, comme je disais, le tome 13, ça remonte. Y a des, ça commence à reprendre de l'ampleur. Il y a de nouvelles pistes. Il y a pas mal de nouvelles choses. Et ça commence à reprendre voilà, de l'ampleur. Et on espère pour le tome 14, ça va reprendre le Un peu rythme plus avant quoi. qu'il avait avant. Et par contre, il y a un très gros progrès sur le dessin, où là, il y a des doubles pages hallucinantes techniquement. C'est monstrueux ce qu'il fait avec de la fumée partout, des châteaux, ces châteaux forts qui sont techniquement hallucinants, avec des forteresses volantes, des trucs dingues, quoi. Et graphiquement, c'est vraiment énorme. C'est très très impressionnant le travail que l'auteur fait depuis qu'il a repris justement. Donc c'était donc c'est Bellblatt tome 13 et c'est toujours chez Kiun hein, d'ailleurs. C'est toujours chez Kiun, ouais. Tout à fait. Et c'est l'édition est toujours nickel. Oui voilà là-dessus oui là-dessus il n'y a pas de souci à avoir en tout cas sur les mangas de chez cet éditeur. Donc puisque tu as la main on va te la laisser avec le même numéro de tome et après je vais te laisser un peu respirer évidemment mais Hein, bah après je peux enchaîner ceux qu'il y a dans la liste là jusqu'à ton Master Keaton, je peux le faire. Et Ça va être ben, rapide. ça ira tome 13. Hein. Psyrène tome 13, c'est très bien. Très Et c'est bien. toujours voilà, c'est Psyrène, on commence là, on s'approche de la fin, puisque la fin elle est au tome 17. On sent qu'on s'approche de la fin, donc voilà, grosse montée en puissance encore. Il se passe toujours plein de choses. La gestion des voyages dans le temps et des modifications temporelles et tout est excellente encore. Non, enfin, l'auteur fait un très très gros travail. Graphiquement, ça n'a jamais été aussi propre. Je trouve que c'est de plus en plus épuré, précis et efficace. Et non, bah, c'est vraiment je peux rien faire d'autre que le recommander. C'est vraiment un excellent manga et assez inhabituel. Voilà, C'est un shonen, hein? c'est un shonen, ouais. C'est de la baston, voilà, avec montée en puissance du Neketsu, assez classique, avec un peu plus. Disons que la cible de la plupart des shonen d'une Jump, c'est quand même les ados, voilà, de 11 à 15 ans à peu près. Et Psyrène, c'est un petit peu au-dessus, quoi. C'est un poil plus adulte et c'est très très bien fait. C'est très bien fait. C'est une excellente série. Il faut l'acheter. Surtout que c'est assez court. Ça se finit donc, comme je disais, au tome 17. Et non, c'est vraiment très très bon. Et je suis un peu attristé de voir que ça marche pas très bien. Parfait, alors tu voulais nous parler également d'Amanchu tome 5. Oui, Manchu tome 5, qui est sorti au mois de mai dernier, qui sort, enfin, il y a une sortie tous les 5-6 mois à peu près, parce qu'on a rattrapé la parution japonaise. Manchu, bah, c'est une histoire de plongée, c'est deux filles, deux copines qui font de la plongée. C'est très très frais, c'est super mignon. C'est vraiment assez joli. Ouais, c'est très joli dans le dessin. Il y a juste moi un truc qui m'énerve, c'est que la moitié du tome c'est en chibi et au bout d'un moment c'est lourd. C'est vraiment très lourd graphiquement. Quand l'auteur dessine de façon réaliste, c'est magnifique, c'est vraiment super beau. En plus, ce côté dans l'eau, elle retranscrit très très bien. Mais la plupart du temps, en fait, quand justement ils sont en dehors de l'eau, c'est du chibi, du chibi, du chibi, et c'est beaucoup trop. Faut qu'elle arrête avec ça, Ça quoi. raconte quoi pour revenir sur le... C'est deux, enfin, une jeune fille, une collégienne qui ses parents déménagent et elle se retrouve elle habitait à Tokyo et là elle se retrouve dans un petit village enfin une petite ville de près de la mer et elle rencontre donc c'est une fille très timide voilà qui a du mal à se faire des amis, elle rencontre une jeune fille de son âge qui est elle l'opposé totalement exubérante qui est très naïve qui se pose pas de questions, elle fonce, et cette jeune fille fait de la plongée. Et donc, elle pousse l'héroïne à s'inscrire dans son club de plongée. Et donc, voilà, on la suit découvrir, qui découvre la plongée sous-marine, petit à petit, de nouvelles, qui explore de nouveaux fonds, etc. Et puis, puis il y a le côté aussi... la jeune fille qui se réalise quoi, qui évolue, qui apprend à ne plus douter, etc. Et voilà, et c'est super intéressant la façon, enfin c'est très bien écrit, il y a des très jolies scènes, mais tout ce côté chibi, c'est trop quoi. C'est trop parce que quand c'est un petit peu de temps en temps, c'est sympa, c'est rigolo, c'est même c'est plutôt drôle en général, c'est gentil quoi, mais c'est ça passe bien, mais c'est vrai que quand c'est la moitié du tome, c'est trop. D'ailleurs, j'avais noté ça, il y a un chapitre dans le tome 5 qui est entièrement dédié à un cafard sur un mur. Et c'est là où je me suis dit faut arrêter parce que c'est pas possible. Si tu veux, c'est elle se retrouve, elles sont trois filles dans le club de plongée et donc avec leur monitrice et enfin leur prof et un garçon qui se retrouve avec eux aussi dans le groupe. Ils partent tous les cinq dans une station balnéaire pour faire de la plongée spécialement dédiée à la plongée. Et elle se retrouve dans la chambre d'hôtel toutes les trois. Et là, il y a un cafard au mur. Et donc, elles se mettent à paniquer. Et pendant tout le chapitre, c'est ça. Donc, comment ils vont faire pour l'écraser voilà, t'as tout un chapitre qui est dédié à ça. Et c'est vraiment lourd, quoi. Mais pourquoi tu lis ça? mais en dehors de ça, tu vois, c'est des petits moments qui sont relous. Mais alors, le reste de la série, c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment très très bon, quoi. C'est un très bon manga, avec des super passages, des super scènes, tout l'aspect, justement, l'évolution de la protagoniste, avec ses doutes, ses incertitudes, et comment elle évolue, etc. C'est super bien fichu, mais alors, il y a des passages, c'est pas possible, quoi. Et ça gâche le truc, parce que, tu vois, là, c'est un chapitre, et le reste du tome est très bon, notamment la fin... où elle parle avec sa professeure qui est vraiment très intéressant quoi, mais t'as ce putain de chapitre où il bloque sur un cafard quoi, ça c'est pas possible. donc voilà, non mais à Manchu c'est un très bon manga sauf ces passages là. Très bien, ben, on va passer, alors je reprends la parole du coup. Ouais. Tu t'es libre. Tu l'as oublié, pour un instant seulement. Donc moi je vais vous parler de Master Keaton, tome 2, donc c'est les éditions, donc c'est chez Kana, chez Big Kana plus précisément, donc c'est les grosses éditions de luxe, hein, et vraiment... Pas forcément, hein. Oui. Big Kana c'est pas forcément. Non, oui pas forcément, mais bon ça c'est les éditions, en tout cas pour Master Keaton c'est une... D'accord. C'est édition de luxe pour cette série-là. Alors, pour j'en avais déjà parlé, donc dans le tome 1, donc j'avais beaucoup apprécié. Le tome 2 est dans la même veine, même un peu plus d'ailleurs, puisque clairement, Master Keaton, c'est vraiment un manga d'aventure. Mais par manga d'aventure, en fait, c'est toutes les facettes qui vont, notamment autour de l'histoire, hein, ce qu'on va beaucoup parler, on va, là encore. Passer, traverser énormément de pays différents, par rapport à beaucoup d'histoires différentes. Et l'intérêt, c'est que finalement, même si on visite beaucoup de pays, on se prend à apprécier la rencontre avec des personnages que l'on verra qu'une seule fois. Et les histoires sont des fois, voilà, il y a des fois comment dire, des contextes très durs, avec des intrigues, voilà, pas forcément évidentes. Notamment, je pense à un moment où il y a un chapitre autour de terroristes en Allemagne. Donc, c'est une façon déjà de montrer que le terrorisme existait déjà à l'époque, sous une forme différente que ce que l'on connaît aujourd'hui, mais ça montre aussi que Keaton peut se mettre en danger sur ses différentes intrigues. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on passe sur des choses qui peuvent nous paraître un peu plus dérisoires en termes d'histoire, mais finalement qui se révèlent beaucoup plus riches. Je pense notamment à un chapitre qui m'a beaucoup marqué, c'est celui en fait où Master Keaton va donner ses dernières heures de cours d'histoire dans une école qui va s'apprêter à fermer. Et en fait, on va voir qu'il est assez ingénieux, notamment. Non, il n'y a même pas d'ingéniosité à ce niveau-là, c'est qu'en fait, il va se rappeler d'un ancien prof d'histoire qui l'avait beaucoup marqué. Et on se rend compte en fait qu'à la fin du chapitre, en fait, ses élèves de cette école qui s'apprête à fermer lui ont concocté un rendez-vous avec ce professeur-là, et ce professeur lui dit justement que lui est devenu un très bon professeur d'histoire, et ce qui va forcément lui faire plaisir, et ce qui rend le personnage quand même très très humain, parce qu'on voit on, il a travaillé dans l'armée, il a quand même un passif très très important. Mais c'est ces petites choses-là qui font que on apprécie franchement Master Keaton, parce que déjà ça se passe à une époque révolue aujourd'hui. Il y a plein, voilà, ça part dans plusieurs directions à la fois. Il n'y a pas forcément de trame nette. Et on retrouve sa fille, on retrouve son père aussi le temps d'un chapitre. Et il se promène en Italie, il se promène en Allemagne, il se promène, donc on le retrouve aussi du côté des îles Baléares, où il va faire la connaissance de deux anciens militaires qui ont une histoire singulière qui les lie. Il part au Mexique, donc voilà, il y a toujours ce côté globe-trotteur qui marque sur ce tome 2. Bon, après, on en parlait tout à l'heure du Razawa avec Billy Bat. Là, c'est une œuvre beaucoup plus ancienne que Billy Bat. Parce que Billy Bat, c'est sorti, ça a commencé l'année dernière ou il y a 2 ans. Mais que voilà, sur Master Keaton, on est plutôt dans les années 90. Mais le dessin, c'était déjà le cas dans le tome 1, mais le dessin est beaucoup moins accompli que ses œuvres aujourd'hui, mais il reste très, très agréable. Il reste très marqué, par contre, c'est très marqué années 80, années 90, notamment par rapport au style vestimentaire, par rapport aux voitures aussi, voilà, par rapport à beaucoup d'éléments qu'on va voir à travers les pages. Mais on apprend toujours énormément de choses. Il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'histoires, de références. Il y a des références à Guillaume Tell. Il y a vraiment beaucoup d'informations qui donnent envie de s'intéresser encore plus aux histoires qui sont présentées de façon assez sommaire, mais on a suffisamment de clés de compréhension pour avoir tous les éléments en main pour comprendre, pour apprécier l'intrigue en tout cas. Donc là encore, je vais pas y aller par quatre chemins, c'est une excellente un excellent manga, là encore dans une excellente édition qui est vraiment très très jolie. Et puis voilà quoi, c'est du bon travail. Là, pareil pour les pages couleurs qui sont bien pensées, qui sont disséminées un peu partout dans le tome, principalement en début de chapitre. Mais voilà, en tout cas un manga que je ne peux que vous conseiller, surtout dans une très très belle édition comme l'essai offerte par Kana. Voilà, du coup, on va continuer sur un manga Urasawa. de Urasawa avec donc la fin d'une série, c'est Happy tome 15. Tout à fait. Happy tome 15, dernier volume de la série éditée chez Panini Manga en volume grand format. On a plutôt tendance à dire que Urasawa rate ses fins de manga, comme Monster ou 20th Century Boys. Et bah là pour Happy c'est tout le contraire, c'est la fin parfaite. Vraiment je trouve que autant dans la conclusion des histoires que dans la mise en scène et enfin comment dire et le dessin en lui-même, tout est parfait et c'est vraiment le summum de la série et il est là et j'avais du mal à y croire parce que déjà le tome 14 il avait placé la barre très très haut avec notamment Shoko Ryugasaki, donc l'ennemi de l'héroïne et d'Umino et certainement le plus grand méchant que Urasawa ait jamais fait. Et là bah, le tome 15, la conclusion vraiment parfaite à ce manga. Excellent manga qui fait un peu la transition justement entre la période bah, avant avec les Master Keaton, avec tout ce que l'auteur avait fait avant, et puis le côté plus comment dire plus thriller De Monster. de Monster et de tout ce qu'il fera après. C'est vraiment le tome de transition, enfin la série de transition. Et ce volume 15 conclut parfaitement la série. C'est une très très grande série. Et les histoires enfin, se terminent parfaitement. C'est vraiment tout ce qu'on attendait, tout ce qu'on voulait. Mais c'est super bien fait, la mise en scène. Et bah, y a ce côté cinématographique qui est en plus très bien mis en avant justement par ces matchs de tennis. Et toute cette scène, ça me fait un peu. En fait, la façon dont c'est fait, là j'y pense d'un coup, ça me fait penser à la scène finale de Requiem for a Dream, où on voit le destin de chacun, mais en beaucoup moins dramatique, hein, en beaucoup moins violent, etc. Mais où on voit tous les destins de chacun se jouer comme ça dans une même scène, en fait. Avec ce découpage, etc., qui est vraiment, enfin, c'est vraiment parfait, quoi. Et on retrouve un peu ça avec la finale, donc le match de tennis, la conclusion de l'histoire avec les petits frères enfin les frères et sœurs Domino, le créancier, etc. Tout se règle dans ce dernier chapitre. Et le découpage est vraiment parfait, la mise en scène est parfaite, et ce volume 15, bah, c'est un bonheur de le lire, et ça termine parfaitement la série, et c'est une série qu'il faut absolument lire, et voilà. Attention, question. Est-ce que c'est une happy ending? Ah, est-ce que je dois y répondre? Oui, c'est un happy end, c'est un happy end, bah oui, avec un nom pareil. Bah, c'est pour savoir. Non, non, oui, c'est une très jolie fin et voilà, c'est juste la conclusion parfaite, quoi. C'est tout. Très bien, alors on va passer, je vais passer rapidement sur Hunter x Hunter tome 30. Ben, alors ça fait longtemps qu'on. Ça fait longtemps qu'on attend. Bah, moi, j'avais un peu de mal vraiment avec cet arc, l'arc des Chimera Ant, qui a duré très très Ça fait un moment longtemps. qu'il est bon quand même. Ah, ça fait un moment qu'il est bon. Justement, je vais dire, non, mais c'est au niveau de l'introduction de l'arc, j'avais vraiment beaucoup de mal à Moi, je viens de le l'apprécier. commencer d'ailleurs. Je viens de le commencer. Ah, bah, tu voilà. Ah, bah, on va essayer Bah, de. rassure-toi. Ça Rassure-toi. continue encore. Ça va s'améliorer. Notamment la fin, parce que je trouve que le roi, je sais pas si tu l'as déjà vu, le roi du coup, dans Non, mais le. vas-y, tu peux y aller, c'est pas Non, grave. je peux être pas. Bah, il me fait beaucoup penser à Cell de Dragon Ball, mais finalement, il est beaucoup plus intéressant que Cell. C'est-à-dire qu'il est Il est plus profond. beaucoup plus profond, il a une vraie conscience de ses actes, en tout cas de ce qu'il a pu faire, il a une vraie conscience de son devenir aussi. Et en fait, c'est marrant parce que Hunter x Hunter, c'est considéré comme un shonen, mais on est beaucoup plus proche du seinen que du shonen, en fait. Et on va le voir, bah déjà, c'était un peu le cas sur certains arcs des tomes précédents, mais là, pour le coup, la fin de l'arc est quand même assez magistrale. surtout, elle amène un, bah, elle va amener un nouvel arc dont je vais parler un peu plus tard. Mais voilà, je trouve que pour le coup, autant j'étais dubitatif quand il a commencé l'arc des Kimurians, parce que je voyais pas du tout l'intérêt par rapport au reste de l'histoire. Autant pour le coup, il arrive quand même à bien terminer le tome, même si voilà, il va se passer quand même des choses, des événements assez importants pour les héros, que ce soit pour Kirua, que ce soit pour Gon. Mais pour autant, voilà, il arrive à bien mener son bateau, sa barque comme il faut. Et on se prend même, voilà, parce que c'était assez, assez négatif, assez noir comme arc, je trouvais dans son ensemble. Il arrive quand même à donner une note d'espoir, notamment pour les insectes qui restent sur la Terre. Hein, et voilà, il y a vraiment une belle conclusion à cet arc-là qui nous amène, pour le coup, un nouvel arc, qui nous amène à des calculs beaucoup plus politiciens, beaucoup plus politiques, et qui finalement est intéressant. Alors, on le découvre pas, on le découvre un petit peu dans la fin du tome 30, on le verra davantage dans le tome 31, qu'on évoquera plus tard également. Mais voilà, on a des styles graphiques, parce qu'on a plein de nouveaux personnages qui vont arriver, mais on a des styles graphiques très très différents. Certains d'ailleurs me font penser à, j'irais du One Piece hein, dans le trait. Pas exactement, mais en tout cas dans le ressenti, du dessin. Et on va retrouver notamment un personnage qui va être très très important. Mais je vais pas en dire plus, je préfère que que vous le découvriez, vous et Kurita en particulier. Moi j'ai le temps, moi ça va, le temps que je rattrape. Voilà, c'est sûr, mais. Bah yes, bah, je vais pas le dire, non, je vais pas le dire, je vais laisser quand même la surprise hein, pour ceux qui n'ont pas lu parce que c'est quand même quelque chose. Et le tome 31 sera encore plus va encore faire davantage plaisir aux gens puisqu'il y a un vrai retour aux sources. Mais là encore, comment dire, je développerai davantage un peu plus tard. Donc en tout cas, voilà, Hunter x Hunter, il retrouve davantage de comment dire, bah, davantage de force et beaucoup plus intéressant que ce qu'il a pu être sur les tomes précédents. Mais voilà, on retrouve une vraie valeur sûre de chez Kana, bah, c'est édité chez Kana toujours, et c'est un manga qui commence à prendre quand même de la bouteille, puisqu'on arrive au tome 30. L'histoire est encore loin d'être finie, à mon avis. Quoique Togashi, notamment avec la jurisprudence Yu Hakusho a déjà terminé ses mangas de façon très abrupte. Mais bon, déjà, faudra qu'il reprenne le dessin, non? Parce que bon, Oui, alors. Il fait des petites pauses. il Des fait des petites petites pauses. pauses, des fois c'est pas forcément. Qui veut? Il fait ce qu'il veut, C'est pas les forcément très vrai, beau. mais bon, il compte son argent. Mais pour le coup, alors je crois qu'en plus au début de l'arc, c'est pas forcément un très très joli dessin, et ça va être encore pire sur les tomes suivants. Mais là, je trouve Et que. encore, le dessin, il est au travail entre la pré-pub Ouais, et la c'est une publication belle du manga. comparaison. Mais franchement, j'aime beaucoup le dessin qu'il a. C'est marrant parce qu'il a. Autant il y a des dessins qui sont vraiment très sommaires, autant il y en a d'autres qui sont extrêmement travaillés. Et qui nous permettent de retrouver tout de suite son style, hein, que ce soit là encore sur des détails, ça peut être sur les yeux, sur les. Sur les décors, parce qu'il arrive toujours à apporter une vraie variété, parce qu'il y a on voit quand même énormément de personnages, mais il arrive toujours à créer des détails, on voit vraiment qu'ils sont différents en fait, hein, les uns des autres. Bon, le dessin s'est quand même amélioré aussi hein, par rapport à ce qu'il a été, mais moi, finalement, je trouve que le style dépouillé que peut avoir Togashi n'est pas non plus si vilain que ça, quoi. Non, et puis il a une force terrible, son dessin. Même en étant moche, c'est un peu comme. Enfin, toute proportion gardée, mais c'est un peu comme l'attaque des Titans, où le dessin, même si c'est techniquement faible, il apporte quelque chose de. Enfin, il apporte une force au manga, quoi. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et là aussi, on voit beaucoup, l'émotion passe beaucoup, notamment à travers les émotions des personnages, et ça se retranscrit aussi pour le lecteur. Il y a une vraie empathie qui se crée. Et je ne peux que vous conseiller, en tout cas pour ceux qui avaient arrêté Hunter x Hunter, de reprendre la lecture, notamment alors que ce soit pour la fin de l'arc des Chimerans ou alors pour l'arc suivant qui s'annonce très très intéressant. Voilà donc pour Hunter x Hunter, tome 30, donc c'est édité chez Kana. Et du coup, on va redonner la parole à Tuntun avec Bonsoir. Salut, ça va? Les enquêtes du limier, tome 1 et 2, que tu as eu l'occasion de lire. Tout à fait. De Jiro Taniguchi, adapté librement d'une série de romans de Itsura Inami. Donc tome 1 et 2, la série est finie. Donc ça c'est cool déjà. C'est édité chez Saka. Enfin c'est cool, oui et non, parce que là... Ils sont bien, donc ça peut être sympa d'en avoir d'autres, mais c'est court. Voilà. C'est édité chez Saka dans une très belle édition, grand format, etc. C'est l'histoire d'un. Comment dire, d'un personnage dont je ne me souviens plus du nom. Bravo. Bravo, ouais. Ouais, en même temps, il est sorti au mois de juin. Ok, bon, ça va. Non, et donc ce personnage est en fait, il travaille à son compte on l'appelle pour retrouver des chiens de chasse qui ont disparu. Et on suit un peu ses enquêtes. Donc il vit dans la montagne tout seul avec son chien loup. Et c'est très très posé comme manga, c'est du Taniguchi quoi, c'est... Déjà, le dessin, c'est. Bah, voilà, techniquement, c'est assez énorme. C'est encore plus que tout ce qu'il a pu dessiner précédemment, je pense. Au fur et à mesure, il s'améliore, et c'est magnifique. Et donc, le tome 1, c'est. Chaque chapitre est une histoire différente, en fait. Même s'il y a un fil rouge et que ça. Et que des histoires s'imbriquent les unes dans les autres, ça reste quand même assez découpé, on va dire. Et le tome 2, c'est une histoire complète. Et c'est super touchant. Comme je le disais, la narration est très posée. Et ça va relativement lentement, mais c'est fait. Comment dire, c'est calme, c'est très frais comme C'est manga. du Taniguchi, hein. On n'est pas Ouais, voilà, c'est surpris, ça, hein. c'est vraiment contemplatif, mais il y a vraiment en plus des personnages vraiment sympas à suivre. Ils creusent chaque personnage, il n'y en a pas énormément, mais ils creusent à chaque fois chaque personnage. On les retrouve après dans d'autres histoires, etc. Et c'est du Taniguchi, c'est superbe et c'est très intéressant. Donc ouais, vraiment, Et je le recommande vivement. c'est une histoire courte, hein, parce que c'est que 2 tomes. Hein. Oui, c'est assez court, c'est 2 tomes qui font un peu plus de 200 pages chacun. C'est beau, c'est intéressant. Donc on est tome C'est très 2. différent de ce qu'on peut lire généralement, enfin des histoires comme ça, vraiment, il n'y a que Taniguchi de toute façon Pour qu'on les faire, hein, fait. c'est ça. Voilà. Si on apprécie Taniguchi, de toute façon, on ne peut qu'apprécier les enquêtes du Absolument. limier. Absolument. Parfait. Alors, je te laisse la parole pour. Parce qu'on terminera avec le meilleur. Je te laisse la parole pour Team Medical Dragon, tome 25, qui est Sais pas comment le également. prendre. qui est Tu t'en souviens au également. moins, Ouais. Quentin? Ah, je m'en souviens très bien. Donc, Team Medical Dragon, c'est également la fin de C'est l'histoire avec la le tome fin. 25. Exactement. Et la fin plutôt décevante. Comparée à Happy. Enfin, là, les 24 tomes étaient vraiment excellents. Enfin, Team Medical Dragon, c'est un des meilleurs seinen de ces dernières années. Et c'est vraiment une excellente série que j'ai pris beaucoup de plaisir Ça à raconte suivre. quoi? Ça raconte l'histoire de médecin. C'est urgence en fait, non? Non, pas tout à fait. En fait, c'est donc une professeure de du d'un d'un comment dire d'un hôpital universitaire. Oui. Voilà. Qui cherche à monter, enfin qui monte une équipe pour faire une opération spéciale, donc qui s'appelle la Batista, qui n'a rien à voir avec le catcher, je te vois venir plus tard. Et donc voilà, elle va chercher en fait pour monter cette équipe, elle va chercher un médecin qui est un peu, enfin pas à la retraite, mais qui est arrêté en fait. Parce que voilà, il bossait dans l'équipe du Medical Dragon, qui était une équipe de médecins sans frontières qui allait dans les zones de guerre pour soigner les civils, etc. Et qui a pris, enfin qui a arrêté la médecine, et en fait c'est un génie, et donc elle va le chercher pour faire cette opération très compliquée, etc. Et donc lui il arrive dans cet hôpital, et toute l'intrigue se déroule dans cet hôpital, et c'est basé énormément sur les problèmes des hôpitaux japonais, en fait sur tout le côté politique avec les différents professeurs et les élections, etc. Qui gangrène complètement le système médical japonais, la formation des médecins aussi. Enfin, il y a beaucoup de thèmes critiques qui sont abordés dans ce manga. Ce que oui. Tu me dis, excuse-moi, je te coupe, ça me fait beaucoup penser à Say Hello to Black, Say Hello to Black Jack. Ouais, bah c'est il y a beaucoup de points communs, enfin notamment sur le héros. Même s'ils ont quand même un caractère assez différent, il y a ce côté un peu solitaire et le génie qui est pas accepté en fait là où il va, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de points communs, et d'ailleurs les deux je crois le gouvernement japonais s'est servi de certaines critiques pour améliorer ses services médicaux. Tout à fait, aussi, ouais. Quoi. Bah, notamment à l'époque de Say Hello to Black Jack, c'était notamment par rapport au sort des internes, hein, qui étaient un peu baladés, notamment en termes de rémunération. Ouais. Et du coup, qui étaient obligés de faire des journées pas possibles en faisant des heures supplémentaires dans des cliniques privées pour pouvoir se permettre de continuer leurs études et de pouvoir devenir à terme médecin. Voilà, bah tout à fait. Voilà, c'est pour Team Dragon, Medical Dragon, c'est un peu pareil. Et voilà, et plus ça avançait, plus on rentrait dans le côté politique des choses. Et c'est vraiment très très bien foutu, c'est une excellente série. Mais ce tome 25, en fait, il déçoit un peu parce que c'est la conclusion et ça se finit. Là, enfin, comme Happy, ça se finit un peu comme on l'attendait, sauf que c'est dommage. Contrairement à Happy, on s'attendait peut-être à un petit peu plus de fougue et de force dans cette fin, et là, ça manque, ça tombe un peu à plat. C'est un peu, on reste sur sa fin, quoi. Donc c'est assez, ouais, c'est assez dommage de la manière dont cette série se conclut. Mais ça n'enlève rien à la qualité de celle-ci sur les 24 premiers Voilà, tomes. c'est une série que tu conseilles quand même. Ah oui, je la recommande très fortement à tout le monde, parce que c'est un des plus grands seinen de ces dernières années. Très bien, bah, parfait. Comme je l'ai dit, comme j'ai annoncé tout à l'heure, hein, nous allons terminer avec Kurita, donc avec Blue Spring Ride, hein, volume Oui. 1 et 2. Voilà, c'est du shojo. C'est chez Gana. C'est pas, y a pas de Ah souci. bah On non, lit, non, on non, a bah vu je sais pas. du Vous me jugez. seinen, du josei, on a vu du shojo, du shonen, donc le Ouais, shojo, il y a on a tout couvert là. exactement. Sauf du hentai ou je sais pas quoi, mais. Et voilà. On n'a pas Alors. mis Step Up Love Story. Ah, ça, c'est de l'ecchi. C'est pas pareil. C'est vrai, pardon. Bon, alors, Blue Spring Ride. C'est du shoujo un peu niais. C'est bien pour les adolescentes, du coup ça me plaît vraiment. Les jeunes filles en fleurs. C'est exactement Est-ce que ça. tu es une jeune fille en fleurs? Bah, je vous l'ai jamais dit, mais oui. Et là, ça me fait tellement marrer quand je repense à on garde le meilleur pour la fin, quoi. Ah bah, vous allez pas être déçus, hein. Alors, je vais faire le topo vite fait. Le personnage principal s'appelle Futaba. C'est une fille qui était toute mignonne avant, mais qui avait pas d'amis parce que c'était un peu la bombasse et tout. Et du coup, au lycée, elle a décidé de changer. Et maintenant, c'est un peu un garçon manqué et tout. Du coup, elle a plein d'amis, maintenant elle est populaire, voilà. Et au lycée, elle retrouve le garçon qu'elle aimait avant. Déjà le pitch, hein, c'est bien du shoujo, hein, je vous ai Oh, pas menti. c'est classique, quoi. Ah oui, bah oui, c'est très très classique et c'est très efficace, voilà. Parce qu'en fait, le garçon maintenant, il aime plus vraiment, parce qu'elle a changé. Oh là là, trop de drame au Oh mon lycée. Dieu! Oh mon Dieu! Comment va-t-elle le faire tomber amoureux d'elle à nouveau? Après plein de mésaventures avec le cas secondaire et tout, oh là là. Mon Dieu, mon Dieu. J'imagine tout de suite les malentendus que ça peut Ah mais causer. c'est exactement ça. En quoi tu l'as C'est. embrassé? Non, mais je l'ai pas embrassé. Mais si. Voilà, c'est un peu Que avec le ça. côté très prude des relations japonaises Ouais, c'est adolescentes. un peu ça. Ouais. Mais franchement, j'ai bien aimé parce que le casting, même si c'est classique. Assez classique, ça marche bien au final. C'est joli, c'est pas moche du tout, ouais. Au niveau des cheveux, c'est vraiment très beau, je trouve. Même les couvertures, je sais pas si vous avez vu, Ouais, je suis en train de voir ça et elles sont justement les vraiment jolies, les couvertures, elles sont couvertures. jolies, ouais. Ouais, mais à l'intérieur aussi, c'est vraiment beau. Mais oui, sinon, c'est pour les filles, hein, donc, vous êtes amateur de gros seinen qui tâche et tout, passez votre chemin. Non, mais enfin, ça fait du bien aussi des bons petits Ça n'empêche shoujo. pas, il y a des shoujo qui peuvent être très bons. Moi, je me Il y a des très bons souviens, trucs, genre C'était nous, L'Arme Ultime, hein, qui est un vieux manga. Ça me dit rien du tout, mais. C'est mince, comment ça s'appelle? C'est Shin Takahashi qui est la mangaka. Ouais, mais Et. le nom japonais. Je crois pas dire, hein, mais le dessin, bah, c'est pour moi, c'est en tout cas, dans le dessin, ça représente du shoujo. C'est. Bon, je pense que c'est pareil, le catégorisant shoujo, c'est pas forcément le cas, mais en tout cas, c'est une histoire qui m'a beaucoup plu, quoi. C'était édité en son temps chez Delcourt, hein, si je ne dis pas de bêtises, et franchement, bah, le dessin, voilà, le dessin, tu retrouves ce côté-là un peu très, très catégorisé, qu'on peut catégoriser très facilement en shoujo, mais l'histoire apportait beaucoup plus de nuances. Mais enfin, je te laisse finir sur Blue Spring Ride. C'est très bien, achetez-le. Voilà. Parfait. Si toute l'émission aurait pu être comme ça, on aurait pu terminer en. Allez, une demi-heure, quoi. Ouais, t'as vraiment trop parlé, Romain. Ouais, je crois aussi. C'est de ta faute. Je crois aussi, ouais. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein, de ces 4 derniers mois, Ouais. de mai à août, en passant par juin et juillet pour l'année 2013. Ben c'est très très bien. On a essayé vraiment d'aller, en tout cas, sur les mangas qui nous intéressaient, qui nous avaient marqués. C'est vrai que dans l'ensemble, on est plutôt satisfait de ce qu'on a pu lire. On est bon public, c'est ça? Alors, on peut dire ça, on peut dire aussi qu'on choisit ce qu'on lit, Ouais, ce qui est aussi bien. aussi. On lit la crème de la crème, On ouais. fait l'écrémage est fait en amont. Et voilà, ça permet aussi bah, le reste, c'est pas que le reste n'est pas bon, c'est que le reste ne nous a pas intéressé, en tout cas, fait pas partie des séries Donc c'est pas bon. On n'a pas aimé, Non, donc c'est pas ou bon. alors Ouais, on n'est pas millionnaire et qu'on c'est n'a pas ça. suffisamment. Alors qu'on voit tout ce que t'achètes, Tintin. Ouais, mais là, ça me. Enfin, c'est dur quand même. Faut faire des choix, surtout que là, Ouais, avec ça va. septembre-octobre, Ah oui, là, ça va faire mal. avec Faites les les. Il cet y a été. des nouvelles séries, Ouais. des. Ah bah, il y a Bah, on peut notamment. faire un teasing, non? Ah bah, on peut, parce Peut-être. que. Alors. Il y a, je pense notamment à Space Brother. Ouais. Ouais. Assassination Classroom. Ouais. Ouais, je suis moins d'accord avec toi, mais. Hunter x Hunter 31. Déjà? Bah oui. Ouais. Moi-même, j'étais étonné, hein, franchement. Je vois, donc ouais, j'ai le top 30, j'étais heureux, quoi. Et là, je vois top 31. Attends, je regarde, c'est pas la même couverture? Putain, mais je l'ai pas celui-là. Oh le pop, pop, pop. On a aussi Bakuman, Ouais, I am a hero, Silver Spoon, Poon Poon. ouais, Poon Poon, Il y a ouais. un Poon manga Poon assez Comic. dérangeant, y a pas mal de pubs, c'est Scumbag Loser, je crois, qui est Ah ouais, mais... assez spécial. Hein. Bon, pourquoi pas? Ouais. Ça veut tout dire. Non, mais C'est nul. en gros, non, les critiques qui sont tombées disent qu'il est bien, mais attention, c'est quand même pour un public averti. Il y a aussi les vacances de Jésus et Bouddha. Que, ouais, on en Skate parlera. Dance. Skate Dance, Skate numéro Dance. 6. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses. Ouais, beaucoup, beaucoup. Bah, bon, de toute façon, on fera le point Ouais. forcément. Il y a Toriko. Et du Jojo. Du Belzébuth peut-être, ou du Jojo. Bah, de toute façon, s'il n'y a pas du Jojo, c'est que la série est terminée. C'est ça en C'est plus. qu'il y a un problème. Il y aura Dreamland aussi, normalement. Il me semble que c'est octobre. Oui. Sinon, on peut peut-être aussi, puisque c'est un peu le podcast de rentrée de Podcastination, Oui. donc on peut peut-être annoncer rapidement ce qu'il y aura comme podcast très bientôt. Pokémon. Voilà, il y aura un double podcast sur Pokémon, sur la Ok. saga Pokémon Voilà. et sur Pokémon X et Y. Voilà exactement. Le premier, forcément, pour là, on consacrera à la saga. On laissera un petit peu de temps, le temps que chacun ait pu jouer à Pokémon X ou Y, ou E d'ailleurs, E ou Y. Et après, on fera un podcast spécialement sur l'épisode 3DS. Il y Également, donc, aura. vas-y, je te Oui, vas-y, laisse. vas-y, vas-y. Non, mais il y aura forcément le bimestriel. Ce On qui a sera fait à l'heure ou pas, on sait pas. tellement de teasing, même durant ce podcast, Bah, chaque manga, on faisait un teasing, donc C'est ça ça en tombe bien. plus. Les gens seront obligés de nous écouter. Les trois personnes qui vous écoutent. Ah, mais c'est déjà une victoire, tu vois. C'est déjà une victoire pour nous-mêmes. Pour la suite, il y aura également un podcast dédié à la Dreamcast. Cette Exact, console il y qui aura. fêtera ses 15 ans l'année prochaine. Parce qu'elle était Ouais. sortie chez nous le 14 octobre 99. Ah, donc là, nous, on va fêter les 14 ans avec ce podcast. Tout à fait. Il y aura le bilan de la DS, vu que la DS est une console morte. Ouais, la Vu meilleure que console du maintenant, monde. le Pokémon sort sur 3DS, Hein. elle est donc définitivement Le morte. chant du cygne. Donc oui, voilà, il y aura pareil un podcast comme on va le faire sur la Dreamcast, comme on l'a fait sur la Wii, il y en aura un sur la DS. Peut-être pas aussi long que là, oui, hein, j'annonce ça. Non, on va essayer de faire plus court, un petit peu. Faut dire que pour faire plus long, ça serait difficile. Et puis voilà, il y a un autre projet qui est en cours, mais ça, on en parlera Ah, on certainement peut plus peut-être tard. parler Oh. du dernier podcast, qui est un peu spécial, un peu spécifique par rapport à ce qu'on a pu faire avant, mais on a souhaité notamment faire le lien entre des œuvres en manga, en animé, en série, en jeu vidéo. Et on a voulu parler, on va vous parler prochainement, on va faire un podcast sur les Vikings, donc sur cette fameuse peuplade du nord de l'Europe. Qui va nous permettre de parler donc, notamment de Vinland Saga, du jeu Dont on vidéo. parlera dans le bimestriel prochain. Alors, je crois qu'il sort au mois de novembre, le prochain Ah, Vinland. peut-être bien, pardon. Bon, on en parlera en janvier alors. En février ou... Non, janvier, ouais, là on fera l'enregistrement peut-être fin décembre, Le mi-décembre ou... 24. Le Noël tout triste. Voilà, on fête Noël devant nos claviers. Une pile de manga. Le podcast Princesse Sarah, quoi. Et donc voilà, on parlera un peu de tout, on fera les liens entre tout ce qui a pu être fait. On reviendra, on fera un historique, mais ça nous permet de lier un peu l'histoire réelle et puis de quelle façon Adapté. ça a Et été quel code adapté. Voilà. on retrouve dans notre Et culture. qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'on peut lire et qu'est-ce qu'il faut, quoi. C'est une façon de différencier le vrai du rêve, quoi. Du fantasme. Tout à fait. Donc voilà, ça fait partie Un joli de. programme. Mais tout à fait, un programme très très très très copieux, on va dire, par rapport à ce qu'on a pu faire. Par rapport à la famine de podcast qu'il y a eu ces derniers mois. Ouais, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait, on est bien conscient du retard, on a eu des petits soucis techniques, notamment pour moi. des choses qui devaient être faites, des problèmes d'ordinateur, enfin bref. C'est un peu long à expliquer et bah, on espère en tout cas vous apporter un peu plus de sujets intéressants, de revenir plus régulièrement aussi, d'arriver vraiment d'avoir des dates, notamment pour les émissions récurrentes comme le bimestriel qui soit Tous qu'on les deux puisse. mois, tous les deux Voilà, mois, vraiment tous les deux mois. Bon, ouais, tous les deux mois, comme là ce ça qu'on on se fera, souvient un peu du manga dont on parle. ce qu'on fera, je pense. Donc là, on va le sortir début semaine prochaine. Donc ce sera donc à partir du 7. Donc le Tout à fait. prochain arrivera aussi donc début novembre, hein, de façon après caler le reste avec donc début janvier, début mars pour les Ouais. prochains bimestriels. Selon les possibilités évidemment de chacun et Ça s'est pas dit ça s'est encore. pas dit encore tout à fait. On essaiera de s'adapter forcément pour que ce soit enregistré, sinon un peu plus en amont pour que ce soit disponible en temps et en heure. Et puis voilà, des choses à rajouter, messieurs? Non. Non, non, ça ira. En tout cas, une fin C'était d'année très bien. Ouais. qui s'annonce chargée. Et puis ben voilà, on vous souhaite. Ah oui, ben on peut peut-être dire que maintenant Podcastination, c'est la nouvelle adresse, donc c'est C'est pas podcastinationfr.wordpress.com. bête, ça. Donc je répète, Waouh. podcastinationfr.wordpress.com. Le futur. Oui, non, mais en plus avec un site qui est un peu plus on va dire, facile à Fonctionnel. facile, beaucoup plus fonctionnel, voilà, merci, que le Tumblr. Le Tumblr qui pourra toujours nous servir pour mettre peut-être des vidéos, des photos. De façon plus occasionnelle, mais on va dire les articles de fond, les articles de présentation des podcasts se feront davantage sur le WordPress maintenant. Et puis ben voilà, on vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée, une bonne journée, une bonne soirée, quel que soit le moment auquel vous écoutez ce podcast, et on vous dit à bientôt. À Au bientôt, revoir. salut. Salut. Salut. Bisous.